Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi. Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains. Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs. L'Europe a besoin de migrants. On en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés. On appelle ça l'altruisme intéressé. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 5, épisode 30. Au milieu de ce bel été 2020, puisque nous sommes déjà bien dans la première quinzaine d'août, nous allons essayer de vous faire passer un bon moment. Mais avant cela, je vais procéder au rappel traditionnel de notre émission. Vous pouvez nous contacter sur notre adresse email que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, qui est la suivante, démocratie participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Je répète, démocratie participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Je vous invite aussi à rejoindre le forum Europe Écologie Les Brins pour discuter de l'actualité, de différents sujets. Il n'y a que l'embarras du choix. Vous n'avez qu'à vous rendre sur le nom de domaine suivant, eelb.su. eelb.su. Donc inscrivez-vous, c'est très simple. La procédure est facile à appréhender. Enfin, vous pouvez nous soutenir en nous faisant des dons en crypto-monnaie, notamment en Monero, puisque c'est la crypto-monnaie de notre choix, qui, comme nos auditeurs les plus anciens le savent, est une monnaie, une crypto-monnaie qui garantit l'anonymat intégral du donateur, ainsi que le montant du don réalisé, ce qui peut être quand même très utile pour la discrétion que peuvent rechercher nos mécènes. Et je tiens d'ailleurs à remercier tous ceux qui nous soutiennent régulièrement. Il y en a beaucoup qui font pas parler d'eux. Je reçois aussi, bien sûr, des messages de gens qui nous soutiennent, mais qui disent spécifiquement de ne pas être cités à l'antenne. Voilà, mais qui nous notifient les dons et on les en remercie. Alors, avant de commencer cette émission, je vais procéder à la présentation de nos membres. Nous sommes avec une équipe restreinte cette semaine, mais en dépit de ça, elle sera, je crois, efficace pour aborder les sujets qui nous intéressent. Alors, je vais commencer, bien sûr, avec Pierrot, fidèle au poste, Pierrot, comme toutes les semaines, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne semaine. Ouais, une bonne semaine avec une météo très chaude, mais tout va bien, et là je suis chaud aussi. Ah bah écoute, formidable, ça tombe très très bien. Et aussi avec nous cette semaine, comme toutes les semaines, Fulbert, j'espère qu'il va bien, mais je sais aussi que par chez lui, en Belgique, il fait très très chaud. Ah oui, effectivement, bonjour Gandalf, bonjour à tous. Moi c'est vrai, je suis occupé à cuire, comme tout le monde. Un vrai temps de nègre, Fulbert. Ah oui. Et enfin, Sa Majesté Derek, qui n'avait pas été disponible la semaine dernière, il le mérite bien, parce que, somme toute, il est souvent présent, hein, il a besoin de souffler un peu aussi. J'espère que tu vas bien, cher Derek. Ouais, salut Gandalf, salut les gars, et oui, ça va mieux que la semaine dernière, donc je suis fidèle au poste. Formidable. Alors messieurs, cette semaine nous avons quand même des choses à commenter, je vais donc commencer avec notre première rubrique, courrier des lecteurs. Alors, j'ai lancé un appel, hein, vous en rappelez, sur la reconstitution historique qui faisait suite au cycle sur le Béhour qu'on avait introduit dans l'émission pendant tout le mois de juillet en fait, et un peu le mois d'août. Et là, c'est l'occasion de poursuivre sur la lancée en fait. Donc on n'est pas sur un art martial, on est sur une pratique qui consiste à reconstituer une période historique avec des groupes de passionnés. Et je me suis dit que c'était intéressant à aborder. Voilà, moi ça m'intéresse déjà à titre personnel, puisque je, notamment sur YouTube, je regarde souvent ceux qui font de la reconstitution historique, sur différentes périodes d'ailleurs. Ça peut être du romain, ça peut être du napoléonien, ça peut être aussi Deuxième Guerre mondiale. Enfin, j'ai pas d'exclusive, mais je trouve que c'est vraiment passionnant, et les meilleurs de ces passionnés savent véhiculer justement ce qui les intéresse là-dedans, et ces chaînes sont toujours intéressantes. Alors du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas aborder le sujet? Est-ce que nous avons éventuellement des auditeurs qui en ont fait leur passion? Alors j'ai une réponse, et je m'en vais vous lire cette réponse. Alors bonjour à toute l'équipe d'EDP, je viens à vous car cela fait plus de 2 ans que j'ai décidé de faire de la reconstitution historique. Donc notre auditeur répond à l'appel, bien évidemment. J'avais un fort intérêt pour l'histoire, plus généralement les conflits armés. Mon regard s'est posé sur la Première Guerre mondiale depuis tout petit. D'une part car j'ai eu des membres de ma famille ayant participé à ce conflit directement. Juste pour donner un exemple, mon arrière-arrière-grand-père qui a combattu à Verdun et au Chemin des Dames, et qui par ses histoires m'a donné l'envie d'en savoir plus sur cette période. Alors je présume que c'est peut-être par des carnets qu'a laissé son arrière-arrière-grand-père, ou des histoires que lui ont ensuite raconté un grand-père ou un père. Alors j'ai au début commencé à faire les brocantes, les vide-greniers, les bourses aux armes et matériel militaire afin d'acheter divers objets témoins directs de cette période précise. Puis, à mes 17 ans, j'ai par hasard découvert la reconstitution historique. Pour un passionné comme moi, c'était une aubaine que de pouvoir endosser pour le temps de quelques jours un uniforme tout en partageant mes connaissances accumulées avec d'autres personnes aussi intéressées que moi. Donc vous avez compris que notre auditeur est quand même très jeune, hein, il a moins de 20 ans. Alors, pour commencer, qu'est-ce que la reconstitution historique? C'est une pratique qui consiste à recréer certains aspects d'un événement passé, d'une période historique ou d'un mode de vie précis, en s'appuyant sur des éléments matériels reproduisant celui de la période concernée. En effet, il n'est point besoin de vous dire qu'il faut être très pointilleux dans le domaine de l'uniformologie pour être le plus crédible face au regard des autres personnes présentes sur place. Non pas que ce soit une sorte de concours, tout au contraire, c'est une question de respect pour ceux qui ont arboré ce même uniforme un siècle auparavant. En effet, c'est une passion qui peut vite être coûteuse, car l'on peut faire les choses bien, rechercher des copies de qualité qui sont chères en fonction de l'époque que l'on cherche à représenter. Pour revenir sur la reconstitution, c'est un domaine assez préservé racialement parlant. Certes, de manière anecdotique, nous retrouvons un nègre par ici et par là, mais c'est encore très très blanc, et quand l'on fait de la reconstitution historique, c'est que l'on a une façon de voir les choses qui s'y prête. Voilà. Donc, notre auditeur veut dire par là, bien évidemment, que ça s'adresse à un public blanc par construction. Voilà, c'est ce qu'il veut nous dire. Il suffit de voir les discussions durant les veillées, quand le camp est fermé au public. C'est une passion qui regorge de personnes partageant notre courant de pensée. Cela va sans dire, sauf exception de quelques cas, que nous retrouvons souvent quand il s'agit du Moyen-Âge et de la Seconde Guerre mondiale, d'après ce que j'ai pu voir. C'est aussi un bon moyen d'élargir son cercle de connaissances et de faire marcher des particuliers quand il s'agit de la conception du matériel en cuir, textile, matos d'occasion, et j'en passe. Comme vous l'aurez compris, comme le Béhour, c'est un excellent moyen de créer du lien social. Et dans cette passion, cela est fortement conseillé. Pour clore ce mail, je tiens à appuyer sur le fait que tout blanc se doit de s'investir dans la préservation de son patrimoine culturel, historique, en quelque sorte savoir d'où il vient et où il va dans ce monde où toutes les racines sont effacées. Je vous remercie de m'avoir lu. Sachez que vous réalisez un excellent travail. Je m'en délecte à chaque émission. Je pense avoir été bref dans mes explications. Si vous souhaitez des réponses sur des sujets bien précis, je me ferai une joie d'y répondre cordialement. Et c'est signé un blanc qui veut assurer l'existence de notre peuple et un avenir à tous les enfants blancs. Voilà. Cordialement, nous dit-il. Eh ben, merci, ça fait plaisir. Notre jeune auditeur est donc spécialisé dans la Première Guerre mondiale. Alors, je ne sais pas s'il fait du français, du prussien, de l'austro-hongrois, du britannique, je ne sais pas. Je pense que c'est du français, puisque sa première démarche aura été, à mon sens, de reconstituer l'uniforme de son arrière-arrière-grand-père, peut-être. Enfin, sauf s'il vit en Alsace-Moselle, mais je ne sais pas. Mais c'est pas toujours le cas. Non, mais c'est possible, je veux dire, parce que j'ai suivi des chaînes de gens qui font de la reconstitution historique en Première Guerre mondiale, et qui étaient spécialisés dans de l'allemand. Alors c'est très précis, hein, parce qu'il faut reconstituer l'uniforme de l'unité en question, hein. C'est pas un uniforme ouais. Allemand général. Il faut avoir exactement les pattes de colle, etc., de la division, du régiment, du bataillon. Et on peut, c'est très précis. Et Fulbert, dans un autre domaine pratique aussi, puisque tu fais de la reconstitution historique, mais toi c'est en virtuel et plutôt sur des avions. Mais ça fonctionne de la même façon, quoi. C'est très précis, on peut pas faire ce qu'on veut. Fulbert, tu confirmeras, je pense. Je confirme, absolument. Mais c'est général dans ce qui est collection, hein. Les collections sérieuses sont relativement rigides, hein, lorsqu'il s'agit de reconstituer. Ouais, et alors comme il dit notre auditeur, hein, c'est un petit peu à ça que les yeux avertis jugent en fait le sérieux du passionné qui donne du temps à ça, quoi. Alors moi je n'en ai pas pratiqué, mais est-ce que vous voulez dire quelque chose sur cette démarche en général, parce que je sais que vous-même ne pratiquez pas, hein. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez dire, une remarque ou autre? Pas forcément sur la partie Première Guerre mondiale, etc., mais c'est sur le fait de faire des camps, enfin des camps ouverts au public, etc. Oui. Je sais qu'il y a, je sais plus le nom, il y a une grosse association qui est en place depuis au moins une trentaine d'années, je pense, qui s'est décidée à refaire un château de rien, quoi, de A à Z, en reprenant tous les métiers de l'époque. Ah, c'est Guénelon, ça. C'est le château de Guénelon, ça. Ouais, ça doit être ça. Et ouais. C'est pas mal, hein, comme moyen de faire perdurer des métiers, des savoirs, et puis de sensibiliser la population. Hein. C'est toujours mieux d'avoir des familles qui viennent là-dedans que de laisser ouais. des gosses écouter des nègreries sur la tablette. C'est quand même pas du tout la même chose. Hein. Alors, c'est vrai ce que tu dis, il y a un truc qui m'intéresse, t'as raison, le point que tu soulèves est très intéressant. C'est celui donc des bivouacs ou des camps qui sont induits, j'allais dire presque automatiquement, dès lors que la reconstitution historique, le plus souvent, concerne en fait un domaine militaire en réalité. Hein. Si on s'intéresse à la période romaine, je dis pas que la reconstitution historique ne s'intéresse qu'aux militaires, mais c'est souvent ce qui va attirer le plus en fait. Hein. Et les pratiquants sont souvent intéressés par le domaine militaire. Donc ceux qui voudraient par exemple s'intéresser à l'armée romaine, donc ils vont faire des bivouacs entre légionnaires. Ceux qui s'intéressent à la période, admettons, napoléonienne, c'est pareil, on va reconstituer des bivouacs avec des feux de camp. Si on fait de la Deuxième Guerre mondiale et que, je cite ça par hasard, on décide de s'intéresser aux Waffen-SS, on va aussi faire des feux de camp. Alors ça commence à être intéressant quand on fait des feux de camp en reconstitution historique avec... avec des pattes de colle, avec deux beaux éclairs blancs, il peut y avoir des discussions intéressantes, à mon avis. Alors, il peut y avoir une ambiance assez intéressante. Oui. Et qu'on peut faire passer pour être de la reconstitution historique. Petit matin, ça... Oui, tout à fait. N'est-ce pas ? On peut, voilà. Mais si c'était autorisé... Enfin, tu parles des uniformes Waffen SS Ouais. et pas que, je pense. Hein. Mais je me demande en quelle mesure en France c'est autorisé, genre de truc, parce que Alors la tu loi n'as le pas le droit prévoit, de. hein. La loi le prévoit. La loi prévoit que Bon, pour ouais. justement les collections ou la reconstitution historique à caractère pédagogique, etc. Alors sous-entendu évidemment Ouais, ouais. dans leur bon c'est toujours un caractère antifasciste, mais en réalité étant entendu que la démarche de la reconstitution historique est une démarche non politique, c'est autorisé bien sûr, et vous pouvez tout à fait comment dire reconstituer, enfin appartenir à un groupe qui s'attache à reconstituer une unité de Waffen-SS, voilà, c'est voilà. Par contre, évidemment, vous allez attirer un petit peu plus l'attention. Donc ça va être, j'ai souvenir d'ailleurs, il y a de ça une dizaine d'années, il y avait une association qui s'appelait Vent d'Est. Elle était située, si ma mémoire est bonne, en Normandie. Et elle s'était attachée à faire de la reconstitution historique on va dire sur la portion spatio-temporelle du mur de l'Atlantique. D'accord? Et pour une raison évidente, il y a des bunkers, donc on peut les occuper, on peut faire de la voilà. Et du coup, en fait, ils entretenaient le bunker. Ils avaient l'autorisation, d'ailleurs, je veux dire de la mairie et tout ça. Enfin, c'était fait de manière totalement transparente. Et ils faisaient des événements, il y avait des, comment dirais-je, des familles qui venaient voir ça, des touristes, et voilà, et ça ne tranchait pas compte tenu du contexte et de l'histoire de la Normandie par rapport au débarquement. Et puis souvent il y a des films qui sont faits aussi, et ça c'est un point qui peut être intéressant à souligner, c'est que souvent quand vous faites de la reconstitution historique, vous pouvez aussi être amené à faire de la figuration dans des films. Si vous êtes dans un groupe de reconstitution historique qui est vraiment très très bon quoi. Alors cette association Vent d'Est a été traînée dans la boue par la presse marxiste. C'est-à-dire qu'ils ont été attaqués, traités de nazis, etc. Et c'était assez triste parce que c'était des gens qui étaient totalement inoffensifs bien sûr, mais on leur reprochait d'être des crypto-nazis ou que sais-je. Et alors ils avaient dissous leur association. Ils avaient dissous leur association parce que simplement la presse rouge avait décidé de s'en prendre à eux. Voilà. Alors de temps en temps, comme ça, vous avez une ordure de journaliste de gauche qui s'emmerde dans son bureau, qui a envie de faire parler de lui, qui a envie de se faire remarquer, et qui s'en prend à la reconstitution historique. Mais rassurez-vous, il n'y a pas besoin de faire la reconstitution historique type Deuxième Guerre mondiale, Wehrmacht ou Waffen-SS pour être traîné dans la boue. Hein. Si vous faites de la reconstitution historique médiévale, vous intéressez tout autant la presse de gauche qui veut savoir quel type de message vous véhiculez. Hein. Est-ce que comment l'Inquisition, vous voyez, hein, on vient très vite vers vous, mais quand même, les rois de France, le Talmud, voilà, il s'est passé des trucs, ouais, donc voilà. Mais bon, ça doit pas freiner les élans, hein. Et donc ça, c'est le point que soulignait notre auditeur, c'est le lien social. C'est-à-dire que ce que je trouve très intéressant, c'est que ça se passe en réel, ce n'est pas politique, donc ça n'attire pas trop l'attention, et ça n'est pas trop polémique, donc vous pouvez vous Pour faire des... l'instant, hein. Pour l'instant, on va dire, mais vous pouvez vous faire des amis, vous pouvez vivre une passion, et en même temps complètement déconnecté de votre vie quotidienne, parce que par définition, vous voyagez un peu dans le temps, c'est un peu la démarche, quoi. Et donc, vous pouvez vous retrouver dans des situations où vous êtes vraiment dans une autre époque, vous avez l'impression de voyager dans une autre époque. Et ça peut faire du bien quand même, psychologiquement, à certaines personnes qui ont vraiment besoin de vraiment d'avoir un moment pour eux où ils relâchent un peu quand même la pression, et je pense que c'est aussi pour ça que je recommanderais assez, quoi. Donc, si vous êtes un rôliste, par exemple, si vous êtes un fan de jeux de rôle, si vous êtes un fan de jeux vidéo, mais à caractère médiéval, ça peut être des jeux de stratégie, ça peut être World of Warcraft, etc., vous devriez peut-être vous intéresser à ce type de pratique, parce que pour le coup, vous rencontrez des gens qui sont comme vous, et il faut quand même avoir son clan, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est pour ça que j'encourage un peu, et c'est aussi pour ça que ça m'intéresse. Ouais. Alors, qui veut... Il y avait Pierrot qui voulait dire un truc aussi. Non, c'est juste pour faire une petite vanne. J'ai une idée comme ça au passage. Alors, dans un but purement antifasciste, hein, évidemment, j'aimerais bien faire une reconstitution en Pologne avec des méchants nazis où on montrerait exactement comment est-ce que l'extermination aurait pu se passer. Et tu vois, histoire de voir comment techniquement ça aurait pu se produire, quoi. Ouais, Voilà, je pense ce que serait ça pourrait être intéressant, sympathique. effectivement. Mais par contre, je pense que les juges sont pas preneurs, hein. Ah, c'est dommage. Sont pas preneurs des reconstitutions. Qui d'autre sur la reconstitution historique? Peut-être sur la partie armes, Fulbert, j'ai envie d'un peu t'interroger. La partie armes, c'est peut-être une occasion un peu plus ludique de s'intéresser à l'histoire des armes. Effectivement, mais les législations en Europe sont, en tout cas dans certains pays, sont telles qu'il devient de plus en plus difficile de se lancer dans ce domaine-là précisément, hein, le domaine des armes, des munitions. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui trotte dans la tête des gouvernants politiques des différents pays d'Europe de l'Ouest qui fait que ça n'a pas énormément d'avenir. Fulbert, la législation belge sur les armes de la Première Guerre mondiale, qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce qu'il y a des armes qui sont accessibles? Est-ce que je précise, hein, voilà, t'es un particulier, tu veux acquérir, on va dire par curiosité ou en tant que collectionneur, t'as envie d'acquérir des armes de la Première Guerre mondiale. Est-ce que c'est faisable? Et si oui, comment? C'est faisable, hein, mais bon, je vais essayer d'être très court. Essayez. Prenons le cas justement, comme tu dis, armes d'infanterie, armes individuelles, donc le fusil généralement, du combattant de la Première Guerre mondiale. Eh bien, il fut un temps, il y a quelques années, où on pouvait, jusqu'à une certaine année, qui était plus ou moins la fin de la Première Guerre mondiale, on pouvait collectionner des armes anciennes sans aucun problème. Et puis, le législateur s'est rendu compte que, sacré tonnerre, mais les munitions de ces armes, qu'elles soient anglaises, françaises, enfin, et d'autres, on en trouvait toujours. Donc, on savait toujours tirer avec ces vieilles armes, qui parfois étaient en très bon état. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, les munitions étaient interdites, mais bon, voilà. On a décidé plus récemment, eh bien, d'obliger à la démilitarisation technique de l'arme, c'est-à-dire rendre l'arme inapte au tir, ça c'est un. Mais ce n'était pas encore assez. Quelques années plus tard, eh bien maintenant, celui qui dispose d'armes anciennes, Première Guerre mondiale et avant, démilitarisé, doit aussi disposer d'une autorisation officielle pour avoir ses armes. Ce qui veut dire que, ça devient de plus en plus difficile, en tout cas en Belgique. Voilà, manifestement, hein, l'autorité n'aime pas le citoyen armé, même avec une arme qui ne tire pas. Ah, il n'aime pas ça, hein. Donc en fait, il est aujourd'hui pour un particulier en Belgique, il est impossible d'avoir une arme de collection de type Première Guerre mondiale en état de fonctionnement. En état de fonctionnement, il faut être autorisé. Le problème, c'est que une arme Première Guerre mondiale est une arme qui sera une arme militaire, hein, sous-entendu. On ne peut pas, a priori, disposer de certaines armes militaires. Donc, ça devient, il faut un permis très, un certain permis pour en disposer. Et c'est de plus en plus difficile. D'accord. Les délais sont de plus en plus longs, les conditions d'admission, par exemple, dans des clubs de tir sont de plus en plus difficiles. Comme ces armes sont des fusils, je parle, hein, donc l'arme d'infanterie, sont des armes qui tirent loin. Enfin, on a trouvé des tas de raisons pour mettre des bâtons dans les roues des collectionneurs. D'accord, donc Oui, de très grosses interdictions. Pour ce qui concerne la France, je ne sais pas. C'est vrai que c'est un petit peu précis. Pour les armes démilitarisées, tu veux dire, ou celles qui sont en état de Non, fonctionnement? des armes qui seraient des armes de collection, mais qui seraient en état de fonctionnement. Alors, elles entrent pas dans la partie de. Oui, elles entrent pas dans la partie collection, à Ouais. part peut-être. Peut-être certaines qui datent d'avant 1914, je crois. Enfin, il y a une date comme ça, je sais plus quand c'est. Puisque à l'époque, il n'y avait pas d'automatique. Ouais, on doit pouvoir avoir genre des mousquets, des trucs comme ça. Oui, ça, c'est possible d'en avoir sans faire, enfin, sans de demander d'autorisation. Tu dois avoir peut-être Ouais, juste donc fusil un pack. 1870 quoi, en gros quoi. Ouais, mais c'est ça, hein. En gros, c'est ça. Ouais. Tout ce qui va être 19e siècle, ça passe, quoi. Mais bon, c'est des trucs à recharger à la poudre. Enfin, vous savez, c'est un petit peu le truc, quoi. Il y a encore même les répliques. Alors après, c'est les répliques américaines de revolvers à poudre noire. C'était en vente libre jusqu'à récemment. Et là, depuis quelques semaines, c'est passé avec déclaration à la préfecture. C'est toujours en vente libre, mais l'État sait que tu l'as. C'est une petite différence quand même, vu que l'État, bon, c'est quand même le. C'est quand même le camp de concentration, hein. C'est lui Oui. qui. Bon, voilà. Enfin bon. Et Donc voilà. puisque tu Ouais. parlais de reconstitution dans le domaine militaire pour le cinéma, Gandalf, je sais que même pour des films à très gros budget, quand ils veulent faire absolument des films, genre des films de guerre par exemple, et qui veulent absolument coller au caractère historique et réel, ils s'intéressent justement à des gens qui font la reconstitution historique, ils les paient. Ils s'intéressent pas spécifiquement aux historiens qui sont trop génériques en fait, qui sont pas assez spécifiques. Et donc il y a des Oui. types qui prennent des petits billets. Et je peux citer par exemple le film 1917 qui est très récent, qui est excellent d'ailleurs, enfin techniquement parlant, qui est époustouflant. Où t'as eu tout un tas de spécialistes qui sont intéressés à quel genre d'uniforme devait porter tel soldat, quel genre d'arme et tout. Et apparemment ils auraient fait aucune faute quoi, tout était bien cadré. Ils auraient pas mis un casque à pointe en 1917, alors que le casque à pointe n'existerait plus, ou des trucs comme ça, quoi. D'accord, ouais. Oui, ça c'est des opportunités qui existent, hein, vraiment d'être sollicité dans le cadre de films ou de spectacles, etc. Donc il y a pas que la reconstitution à proprement parler. Bon, je dis pas que ça se passe aussi facilement que ça, mais enfin, ça existe. Donc si vous êtes passionné par une période historique, n'hésitez pas à franchir le pas, peut-être, hein, et à nous en parler aussi, pourquoi pas. Alors messieurs, je vous propose de passer à la rubrique suivante. Rubrique numéro 2, chers amis, autisme radical. Et là, nous allons nous intéresser en fait à un message qu'a laissé un participant au forum EELB.SU, Europe Écologie Les Brins. C'est pour ça qu'on invite aussi les gens à s'inscrire sur ce forum. C'est parce que ils peuvent s'exprimer, ils peuvent raconter aussi des anecdotes qui leur arrivent au quotidien, voilà, et de renseigner les autres membres du forum, bref, les gens de notre sensibilité, sur ce qui peut se passer et qui pourrait nous échapper à notre attention, quoi. Et donc, bah, je suis très content que notre membre ait livré ce témoignage. Donc, il nous a pas envoyé un message sur la boîte email, mais il a directement soumis à la lecture des membres d'Europe Écologie des Brins. Et j'ai trouvé ce texte tellement génial que j'ai pas pu m'empêcher de le partager avec vous, parce que c'est surréaliste, hein. Donc ça colle totalement avec la rubrique Autisme radical. Alors, je vous lis ça tout de suite. Alors, bonjour, ami NS. Désolé pour la taille du texte, j'essaye d'aller au plus vite en restituant la saveur de ce qui m'est arrivé. Je vis dans un endroit relativement préservé et je prends le TER tous les jours ou presque pour me rendre à mon travail. Pour l'histoire, j'ai un look que je qualifie moi-même de parfait fils de pute. Plus proche des 50 ans que des 40, costume cravate mocassin, pas très grand, légèrement bedonnant. Je m'exprime d'une voix calme et en employant un vocabulaire châtié, enfin en public. Bref, seul mon crâne rasé détonne un peu. Comme depuis des années, depuis la saison numéro 1, épisode 3, j'écoute Gandalf, ou Reynoir, dans le train, profitant de mon temps de trajet aller-retour pour me cultiver. Alors que d'habitude tout n'est que murmure feutré et apaisant, l'ambiance s'est dégradée ces dernières semaines, du négro gnoul ayant fait son apparition. Ce n'est pourtant pas à eux que je dois ma mésaventure du jour. J'en ai eu une autre la semaine dernière, la première depuis que je prends cette ligne. Revenant du travail, j'écoutais les dernières vidéos de Renoir sur Hiroshima. La dernière s'achève. J'ouvre les yeux, c'est une activité très méditative que d'écouter Dépé ou Renoir un peu comme un chant grégorien. Je prends mon téléphone, je vais sur l'index thématique, farfouille, grossis ce putain d'index sur lequel je ne vois rien. La vieillesse est un naufrage. Lorsque ma voisine, une blanche d'un quintal, me postillonne dessus. « Vous écoutez quoi ?» Affable, je rétorque « De la musique. » Le quintal rétorque « J'ai bien vu depuis tout à l'heure que vous écoutiez des trucs nazis. » Relisez cette phrase, appréciez la savoureuse logique grammaticale. « J'ai bien vu depuis tout à l'heure que vous écoutiez des trucs nazis. » Je réplique, car j'ai quand même un fort tropisme pour jouer au con. « Vous voulez écouter ?» en lui tendant une de mes oreillettes. Le quintal tremblote de haine, peur, dégoût, autre, cocher les cases inutiles. Et feule de colère, comme la petite chatte qu'elle n'est plus depuis longtemps, « Je vais chercher le contrôleur !» Je souris, je remets mon oreillette et ferme les yeux. J'imagine ici le spectacle. « Monsieur, il y a un nazi qui écoute des trucs nazis dans des oreillettes. J'ai rien entendu, mais je vois bien qu'il écoute. » Quelques minutes plus tard, on touche mon épaule. Une chose d'aspect négro, sémitico-mongoloïde, que l'on a mise dans un uniforme de contrôleur SNCF, est là, avec le quintal abrité derrière lui. La chose a un air masculin. Je n'arrive pas vraiment à identifier. Je ne connais pas l'espèce, mais le dimorphisme sexuel n'a pas l'air très prononcé dans le taxon auquel elle appartient. Je salue toujours fort civilement. La chose me contrôle. Je suis en règle. Ben oui. Puis elle me dit « Monsieur, vous avez dérangé madame. » Il faut savoir que je suis comme un poisson dans l'eau dans les conflits de nature juridique. Pire, j'adore ça. Si je n'étais pas NS, je deviendrais quérulent comme un youpin. Je me tais, toujours. C'est ma stratégie favorite. Pas un mot, ça rend fou les gens en général. La chose dit, la dame dit que vous écoutez des choses racistes. Ah ! Alors là, notre auditeur précise, pas oui. Donc il dit, ah, il dit, pas oui. Sinon, j'avoue que je suis raciste, et dire que l'on écoute ou visionne des discours racistes est une incitation à la haine. Eh oui, démocratie française. Quand vous regardez les gens droit dans les yeux sans commentaire, ça les déstabilise complètement. La chose me regarde et me dit « Monsieur, c'est interdit. Je vais vous demander de changer de place et d'arrêter d'écouter ça. » Je vous suis pour changer de place. Légalement, je ne peux pas refuser. Mais je continuerai à écouter tout ce qui me passe par la tête. « Monsieur, je vais vous demander votre téléphone, je dois le saisir. » Je ris. « Non. » Le cerveau de la chose compute. Il n'a pas l'habitude de cette situation. « Monsieur, » la chose commence à s'énerver. « Si vous refusez, c'est de la rébellion, je suis assermenté, je vais devoir demander à la police du rail d'intervenir. » Carrément. Alors, notre auditeur répond. « Je vous en prie, faites. » Alors, question droit pour m'exprimer pudiquement, j'ai de la ressource sur le pied. C'est un peu mon métier depuis 25 ans. Je ne développe pas plus pour des raisons de discrétion. Et ma passion depuis que je suis gamin. J'ai déjà été opposé à des magistrats, des avocats, des policiers, des profs d'université, pas de problème. La réaction est inhabituelle. Je ne me justifie pas, je ne dis pas oui ou non, je ne crie pas. Je réponds au strict minimum, mais c'est sans insolence. La chose sent que ça ne tourne pas rond et que sa tentative de me piquer mon téléphone pourrait se retourner contre lui. « Être raciste, c'est puni par la loi, monsieur !» Réplique. « Non. Ce qui est puni, c'est l'expression publique de thèse raciste. Je pourrais, note-t-elle conditionnelle, bien écouter dans mon oreillette l'intégrale des discours d'Hitler, Mao, Staline ou Pol Pot, que que cela serait mon droit le plus strict, si tel était le cas. Le Quintal s'agite. Il écoute des trucs racistes! La chose lui demande de s'asseoir et lui dit qu'il va régler ça. Le Quintal s'assied à la place que j'occupais précédemment. Détail qui a son importance. Écoutez, monsieur, on ne va pas faire de scandale. Je vais vous verbaliser parce que j'estime que votre comportement de nazi, ne pas rien, hein, est agressif et irrespectueux. Je pense que l'on va faire mieux, donc ça c'est lui qui répond. Je vais attendre que vous appeliez la police ferroviaire pour que l'on m'embarque. Là, le cerveau de l'hybride se met à tilter. Eh ben oui, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Il gueule presque. Je me dis qu'il va me claquer un AVC. Putain, je serai dans de beaux draps après Floyd tué par un méchant blanc qui lui fait trop mal à la tête. Il s'arrête. Tu. Donc on est passé au tutoiement. Tu me dégoûtes. Je ne vais pas perdre mon temps avec toi. Et il se barre. Mon arrêt est dans 5 minutes. Je retourne m'asseoir à côté du Quintal. Elle me regarde horrifiée. Le contrôleur vous a dit de ne plus vous asseoir à côté de moi. Non, madame. Il m'a dit changer de place. J'étais assis à cette place, je désigne celle qu'elle occupe. J'occupe maintenant une place différente, celle qu'elle occupait initialement. Donc j'ai changé de place. Le Quintal se lève et part. Blême. Putain, ce que j'ai ri. Ah oui, inutile de le préciser, vous vous en doutez, le wagon était plein de PNJ. Personne n'a bougé. Et c'est signé Appian. Ça, c'est stratosphérique. C'est magnifique. Heureusement que notre auditeur a une connaissance du droit. C'est vrai que... Oui. Faut faire gaffe, quoi. Hein. Dans ce genre de cas, faut se faire petit si tu n'es pas sûr de ton fait. C'est bien. Hein, là, bon, c'est vrai que là, les scènes cocasses, l'espèce de machin, la race du futur, tu sais, le truc improbable, le français. Le français, le français ou la française, il y a un machin. Oui. Dont la race indéterminée et à sexe indéterminé, oui, aussi. Ouais, comme, ouais. C'est vraiment le... Bon, c'est français, quoi. Et l'énorme tas de graisse de femmes blanches, hein, qui est là, bon, c'est merveilleux. Bon, qui très probablement se fait bourriquer par des nègres. Hein. Ouais, bah oui, oui. Il y a une forte probabilité. Peut-être même va-t-elle jusqu'à pousser le vice à échanger des dons aux migrants en échange, oui, de faveurs sexuelles. Oui. C'est une espèce de gros tas là. Oui. Hein, c'est comme ça marche. Mais c'est super, génial. Enfin, il devait écouter l'émission assez fort, hein, quand même, parce que pour que la grosse parvienne à entendre le contenu de l'émission. Non, mais elle regardait sur l'écran, je pense. Alors, elle dit j'ai vu, peut-être. Je sais pas ce qu'elle a pu voir. Elle voyait sur l'écran, si elle regardait une vidéo de Renoir, par exemple. Elle devait voir passer. Bah oui. Oui, c'est rien. Elle devait passer les trucs, quoi. Oui, ça c'est sûr, voilà. Mais après tout. Oh, tiens, des chambres à gaz. Non, c'était sur Hiroshima, il a dit. Peut-être qu'il était sur le site. Mais bon, après, pour être gamé, il y a un Pikachu à la place. Donc c'est bon, hein, le site est safe. Non, mais même s'il écoute un truc sur la Deuxième Guerre mondiale, ça peut être un documentaire. Enfin, je veux dire, c'est pas... Enfin, je sais pas, quoi. Oui. C'est quand même assez surprenant. Enfin, Enfin, la grosse, elle voulait... Alors, permettez-moi, mais déjà, la grosse colle son nez sur ce qu'écoutent les gens, quoi. C'est assez incroyable, ça. Alors, elle colle ses yeux sur ce qu'écoutent les gens. C'est vrai que là, il y a quand même mystère. Là, il y a un mystère. Pierrot, excuse-moi, je t'ai coupé dans ton erreur. Non, je veux juste pour répondre à Derek, ce que tu disais, heureusement qu'il connaît le droit. Oui, effectivement, ça peut toujours aider. Heureusement que ce type a l'air d'avoir beaucoup de sang-froid. Surtout ça, le point important. Parce que connaissance de droit, peut-être pas, mais on connaît des gens qui ont fait prout. Hein, dès qu'ils reçoivent un petit coup de pression de la part d'une législation ou d'une autorité, ils font prout et ils n'ont pas de sang-froid. Ouais, là, en l'occurrence, le point en particulier, c'est là où il a dit, vous écoutez la question, vous écoutez les trucs racistes. Et c'est là qu'il dit qu'effectivement, il faut pas dire oui. Si tu dis oui, t'es mort. Ils n'ont pas prouvé, ils n'ont pas allé dans ton téléphone comme ça. Je dis, Voilà, c'est sur ce point-là, quand s'il n'avait pas la connaissance de ce qui se pratique en droit, ben, il était. En tout cas, l'autre est con comme un manche. Bon, il aurait pu s'en sortir, mais là, il était sûr de s'en sortir. Vous vous rappelez, on avait un témoignage d'auditeur qui était aussi contrôleur SNCF et qui écoutait l'émission. Alors c'est dommage, ils se sont pas croisés sur ce train-là, ça aurait été rigolo. C'est qu'est-ce que t'écoutes? Ah bah je... Ah, tu vois, non, mais... voilà, mais comme vous savez, la SNCF diversifie son recrutement. Faudra acheminer des trains spéciaux pour les amateurs de démocratie participative. Ah, tiens, c'est pas tout à fait pour les auditeurs de démocratie participative que je pensais qu'il fallait affréter des trains spéciaux. C'est pour d'autres types Oui, de personnes. d'autres catégories. Ceci étant dit, il y a un truc qui est assez mirobolant dans ce que nous dit ce témoignage, c'est le fait que ce contrôleur, donc une créature indéfinissable racialement, sexuellement, mais vraiment, on ne sait pas, qui dit voilà, donc en fait, non, avec les capacités cognitives qui sont les siennes. Et qui écrit des nouveaux textes de loi et qui dit voilà je vais saisir votre téléphone. J'ai un képi, je vais saisir ton téléphone, tu vois, et puis je vais prendre ton billet, je vais prendre ton portefeuille. Ça c'est extraordinaire quoi, tu vois, c'est alors heureusement qu'il l'a envoyé bouler hein, mais voilà, pourquoi? Bah, votre voisine a dit que vous écoutiez des trucs nazis. Enfin, le truc là, dans toute cette affaire, c'est que de la suspicion. C'est que de la suspicion. Il n'y a même pas de délit, quoi. Il n'y a pas de délit caractérisé. Comme il le dit très bien, voilà, je peux écouter des discours d'Adolf Hitler, je ne viole pas la loi. Donc c'est une suspicion sur la base d'une grosse qui se plaint parce que, voilà. Il y a un contrôleur qui rapplique, il fait du zèle, donnez-moi votre téléphone, je vais appeler les flics. Enfin, c'est quoi ce délire, quoi, je veux dire. Un contrôleur, il est là pour vérifier la validité du titre de transport de l'intéressé. Ou si jamais il importune les autres passagers, ou si il viole le règlement intérieur, c'est-à-dire en fumant un joint, en dégradant quelque chose, ça, il doit signaler, il doit appeler les autorités. Mais enfin, là, ce n'est que de la suspicion. C'est que de la Alors, suspicion. il faut quand même noter que c'est donc vu que c'est un métèque qui a un uniforme et qui se sent, enfin, qui a de fait une position D'autorité. d'autorité sur des blancs, en l'occurrence là notre auditeur, enfin, le type ne comprend pas, son cerveau n'arrive pas à faire. Il dit, bon, bah, il se voit dans la glace, il voit qu'il est une merde. Bon, quand tu mélanges les races comme ça, c'est comme ce qu'ils avaient fait dans les années 20-30 avec les vaches. Tu sais, ils avaient pris plein de races de vaches, tu vois, ils avaient fait des croisements bizarres dans tous les sens, et ça t'avait donné une espèce de roc, une espèce d'ancêtre commun, un Ouais. truc bizarre, tu vois. Ben là, c'est pareil, donc ce truc-là qui est bizarre. C'est une espèce de d'homme enfin d'homme Au de mini-dé, ouais. d'hominidé qui ressemble à un ancêtre commun lointain mais en bâtard et donc il voit qu'on lui file une autorité sur des gens normaux il comprend pas, il devient fou donc à ce moment-là il bug il fait du qu'est-ce qu'il a dit là? Je vais le faire, je vais le faire, je vais le Ouais, je faire, vais le c'est ça, faire, je vais hein, pour appeler les flics, je vais appeler appeler les les flics, flics. ouais, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Ouais, donc il faut arrêter de torturer ces gens-là en leur donnant une autorité qu'ils ne méritent Arrête, pas. il faut que la Là, ça République n'a pas de sens. française arrête de donner des képis à des nègres. Ça serait pas Pour leur mal, quand bien. même. Pour Pour leur leur propre bien, bien, voilà. pour leur santé mentale, c'est pas si tant est que. Oui. Bon. Qui sont des facultés. Mais ce type, en plus, c'est pas pour faire du mépris de classe, mais il est contrôleur SNCF, quoi. Donc, je veux dire, il n'y a quand même pas de quoi. Hein. Mais Ah du non, mais coup, il peu n'en peut importe. plus. Il n'en peut plus. Il n'a pas l'habitude, tu vois. Dire qu'est-ce qui se passe? En fait, le type aussi, il fonctionne en bluff, un peu. Comme les flics, d'ailleurs, pour le coup. Comme une autre autorité, quoi. Genre, donnez-moi votre téléphone. Toujours, c'est du bluff, quoi. En fait, il attend, il dit, bon, je vais tenter le coup, et puis on verra bien ce qui va se passer, quoi. Tu as une Pour autre tout le temps, catégorie ils sont de gens froids. comme Hein. ça. Tu as une autre catégorie, excuse-moi Pierrot. Ce sont les vigiles à l'entrée des magasins, qui Oui, les sont très nègres, donc souvent oui. des nègres ou Ou des des arabes, oui. bougnoules. Ouais, t'as alors souvent t'as même des bougnoules qui se parlent entre bougnoules. Ça, c'est très, tu te sens très bien quand tu rentres dans un magasin, tu vois, ou Là, on tu avait vois, eu, rappelle-toi du c'est. témoignage extraordinaire qu'on avait reçu d'un auditeur qui travaille dans la sécurité dans des grands magasins, des grandes surfaces. Il nous avait raconté tout ça, il nous avait expliqué comment ça marchait, quoi. Non, mais enfin, moi j'ai des cas personnels, Ouais. ça m'est pas arrivé à moi, mais à des gens que je connais, où les types, ils voulaient regarder. C'était à l'époque où il y avait, je crois, je sais plus si c'était Charlie Hebdo ou Bataclan. En gros, ils te foutaient des vigiles partout, ils te foutaient des arabes pour nous protéger les arabes. C'est un concept assez, Oui. assez c'est très français comme truc encore. Oui. Et le type se met, était très agressif envers des. Alors, il laissait passer les Fatmas, il n'y avait pas de problème, Oui. mais des petites vieilles qui voulaient rentrer dans le magasin, Ouvrez votre panier, il madame, hein. faisait du zèle pour regarder dans leur sac, Ah, etc. Et ah. vraiment pour regarder tout, c'est pas juste ouvrir, elle voulait foutre les mains dedans. Et quand on leur disait non, ils prenaient la moue, et il s'est avéré que le type s'est se placé. Dans l'angle mort des caméras pour faire un truc, tu vois, c'est des caméras de Ah. vidéosurveillance. Tu sens le vice de la créature du désert, tu vois, cette race puante. Bon, le nègre, il est con, mais alors Le les vigiles bougnoules. pillard de caravane, hein. Ah ouais, c'est ça. Il voulait prendre. S'il y avait un billet qui traînait, un truc comme ça, un bracelet, un stylo, un Mont Blanc, tu sais, c'était un petit Mont Blanc dans le sac. Voilà, et il le voit, hein, il l'aurait vu. Vu qu'il n'y a pas de preuve parce qu'il se met dans l'angle mort, bon, c'est ça le race. Ils sont en costume, enfin, on leur met un costume, une veste, une chemise, et parfois une cravate pour faire bien. Donc ils se sentent les rois du monde, hein, ces gens-là. Ah, tout à fait, totalement. Alors, donc notre auditeur nous a partagé sa mésaventure. Bon ben, comment dire, félicitations à lui puisqu'il s'est sorti quand même d'un petit guêpier qui aurait pu se terminer en contrôle. Mais là encore une fois, hein, on voit la cabale en fait, hein, c'est-à-dire qu'on a une blanche moche en surpoids qui se coalise avec un métèque pour essayer de faire la peau à un homme blanc. Vous allez Voilà, c'est retrouver une ce synthèse. schéma très souvent, hein, dans le futur, hein. Je vous avertis, chers auditeurs. Ça vous paraît peut-être encore un petit peu étrange, mais je vous assure que vous allez retrouver ce schéma de plus en plus fréquemment, hein. Il y a des Enfin, constantes, hein. oui, enfin, moi je le vois partout, hein, personnellement, ce schéma-là. Donc, si vous ne l'avez pas encore vu, je sais pas, faire quelque chose. Bah, de toute façon, avec l'affaire Floyd, On bah a oui, tiens, ah oui, on voilà. a qu'à en parler un petit peu de ça, parce que c'est l'occasion de glisser le topic, justement. Donc, vous avez vu, il y a la vidéo qui est sortie, là. Bon, elle est sur le site, la vidéo, hein, la vidéo de... Comment on Les appelle ça? vidéos, il y en a Les deux. vidéos Ouais, les que les body policiers... cam. Les bodycams, là, qui portent les policiers, là, sur leur torse. Bon, donc, on voit l'interpellation vers la première personne... Donc on est à la place du policier, etc. Bon, on voit comment ça s'est déroulé. Bon, en fait, on voit par A plus B. J'ai regardé les réactions, parce que c'est des vidéos qui sont sorties cette semaine. C'est la presse britannique qui a diffusé cette vidéo 2 mois, hein, 2 mois et demi après les faits, hein. Donc on les retrouve sur YouTube, etc. Ça fait des millions de vues. J'ai regardé les commentaires, mais c'est unanime, quoi. Tout le monde dégrise, là. Ils sont là, putain, mais on s'est fait avoir. Y a rien, Oui, quoi. sauf les métèques qui eux disent oui, mais on peut Oui, pas bon, eux, dire, enfin bon, évidemment, et la ils défendent presse. leur lard, hein. Et la presse. Mais vous regardez La les gens presse. qui visionnent les 8 minutes de séquence, je veux dire, 95% des gens parviennent à la même conclusion, c'est une arnaque. Oui, Alors, même les gauchistes niais, quoi. Même les gauchistes niais qui sont Oui, enfin, allés les dans gauchistes, pas les agressifs militants, mais les mecs qui sont Oui. un peu concons de gauche et qui Les sont là, normies, ouais, oui, voilà. Ouais. le racisme, c'est pas bien, les violences policières, ils ont vu le truc, ah ouais, non, mais là, il n'y a rien, en fait. Il n'y a aucune, non, c'est pas, il y a aucune agressivité du type. Tiens, Non, on il n'y lui a rien. présentait l'autre comme un fou furieux, voilà, qui Ouais, voulait tuer des un chaud, nègres, un chaud, etc. ouais, non, Le type, il est calme, il dit bon, ouais, voilà, il faut voir le bestiau, il fait plus de 2 mètres. Hein, on s'en rend compte quand on voit la caméra. T'as ce machin-là qui commence à courir partout. Donc, ouais, les types, ils ont fait comme ils ont pu. Hein, ils ont fait comme ils ont pu. Ouais, mais il n'y a pas de violence. Ils essaient de le Il n'y a pas d'irrespect en plus, il n'y a pas d'irrespect. Non, non, il n'y a la pas parole, d'insulte, il etc. n'y a pas de. Non, ils disent il faut nous Ils n'ont suivre, même pas haussé le etc. ton, quoi. Non, non, même pas. Et bon, le type résiste, il résiste physiquement. Alors j'ai vu un titre formidable, c'est sur LCI. Alors ça, c'était extraordinaire. Donc LCI, donc encore une fois, la chaîne d'information de TF1 en continu, donc la chaîne de la droite patronale dure, hein, d'accord? Le titre, c'était. Le comment dire comment c'est ça George Floyd a voulu coopérer. Tu regardes la vidéo, les 8 minutes, pendant 8 minutes, le nègre refuse d'obéir catégoriquement, tu vois. Le mec, on lui dit, s'il vous plaît, monsieur, etc., etc. Le mec refuse, il se débat, etc. Il n'y a rien à faire, il veut pas se laisser embarquer comme il doit se laisser embarquer, etc. Les flics ne haussent pas le ton, et le LCI voit la vidéo, et eux, leur conclusion, c'est, il a voulu coopérer. Enfin, je veux dire, c'est incroyable, le travail de mensonge. Pourquoi je parle de l'affaire Floyd, en fait? Bah, c'est parce que qu'est-ce qu'on a vu se mettre en branle ensuite, comme phénomène de masse? Eh bah, c'est toutes les... Enfin, pas toutes les femmes blanches. Mais on a vu que les principaux soutiens de Floyd, enfin, ceux qui ont acheté massivement ça, ceux qui se sont manifestés dans les rues, y compris dans les manifestations, ce sont des femmes blanches. Hein. Ce sont des Plus femmes que les blanches. nègres Hein. même. Plus que les Ah, nègres bien même. plus que les nègres. Aux États-Unis, ils ont fait une Les... évaluation parce qu'ils ont pu, avec les téléphones portables, c'est dans la presse, hein, j'ai pas la source, mais je l'ai lu, vous pouvez le retrouver sur Google sans aucune difficulté. Hein. Ils ont fait une évaluation grâce au téléphone portable des gens. D'accord? Donc ils ont demandé je crois que c'était à Apple, je sais plus si c'est Apple ou si c'était Android, donc peu importe. Et ils ont regardé en fait. Parce que c'est permis par la loi, quel était le profil type du soutien de George Floyd dans les rues, quoi, dans les manifestations. Ils ont découvert en fait que 13%, à peu près, 13, entre 13 et 15% des participants aux manifestations en faveur de George Floyd et contre les violences policières, le racisme, etc., étaient des noirs. Bon, c'est à peu près leur proportion aux États-Unis, 13%. Mais tout le reste, c'était des blancs, pratiquement. Et beaucoup, beaucoup de femmes blanches. Et typiquement, le militant Black Lives Matter aux États-Unis est une femme blanche. Ah oui, alors j'ai des précisions si tu veux. Vas-y, vas-y. Comment ça s'appelle? Dans la génération des 38, des 18-34 ans, Ouais. chez les hommes, tu as 8% qui sont soutiennent de Black Lives Matter. Ouais. Chez les femmes, 40. Ah! Aux États-Unis Chez les ou 35, bien en France? aux États-Unis, ouais, aux États-Unis, aux États-Unis, aux États-Unis. 8-40, c'est le Comment rapport, ça? quoi. Hein. Ouais, 8-40, chez les 35-49, 15%, enfin, ouais, 15% qui soutiennent, enfin, 15% de plus qui soutiennent que par rapport qui sont opposés. En gros, c'est un diagramme soutien-opposition. Est-ce que donc l'écart entre l'opposition et l'accord avec Black Lives Matter, c'est 40 pour les femmes blanches de 18-34, 15 de 39, 35 à 49, Ouais. et moins 17 chez les hommes. En gros, chez les hommes, à part dans la catégorie 18-34, tu as une majorité des hommes qui s'opposent à Black Lives Matter. 35-49, c'est enfin, 17 points d'écart. Chez les 50-64, 32. Les plus vieux, donc les boomers, 30. Voilà, ce truc-là n'est que un truc de femme blanche. Ouais, De c'est que femme un truc de blanche femme blanche, ouais. de moins de 35 ans. Voilà. De moins de 35 ans, faut le souligner, ouais. Donc, Ouais, quelle est la parce que le reste, vraiment, c'est... caractéristique des femmes de moins de 35 ans? Elles ont une activité sexuelle soutenue. Hein, en tout cas, elles sont programmées pour ça. Évidemment, il faut faire le lien. C'est évident. C'est-à-dire qu'il y a, sur le soutien à Black Lives Matter, il y a un avant-ménopause et un après-ménopause. C'est Oui, c'est flagrant. l'instinct maternel Oui, enfin, qui est c'est détourné surtout pour... l'envie de coucher avec des nègres. Hein. C'est surtout ça. Hein. Oui, non, mais c'est un détournement de la nature féminine Totalement. qui doit normalement enfanter quand elle est fertile, hein, surtout quand elle est jeune, pour materner du nègre. Hein, c'est ça. Hein. Donc, bon, je tiens à souligner quand même qu'il y a 60% des femmes blanches aux États-Unis qui ne soutiennent pas. Enfin, c'est 40 points quand même qui soutiennent. Et 8% chez les hommes de la même tranche d'âge, hein. Ouais, c'est-à-dire que l'écart entre ceux qui soutiennent et ceux qui s'opposent, donc il y a une faveur, il y a un léger avantage de ceux qui soutiennent que par rapport à ceux qui s'opposent. Mais pour le reste, c'est des écarts à coup de moins 20, moins 30, quoi. Ouais, d'accord. Alors, donc voilà. Pareil, s'il y avait que les femmes qui votaient aux US, enfin que les hommes, pardon, le Parti démocrate n'existerait pas, hein, Tout à tout fait. simplement, hein. Totalement, ouais. Ça, il faut bien le comprendre. C'est quelque chose qui est rarement abordé dans nos milieux, je trouve, ou en tout cas très sous-traité. On en parle assez peu. C'est à quel point, parce qu'on parle souvent je vais dire des déterminismes raciaux, on parle très peu des déterminismes sexuels. Sur et l'impact de ces déterminismes sur la politique. Là, vous en avez un en temps réel, quoi. Hein. Voilà, il n'y a pas de phénomène. C'est-à-dire que les médias juifs ne peuvent rien faire sans les femmes blanches. Ça, il faut comprendre ça. C'est la base. C'est C'est-à-dire ça. que dans le système démocratique contrôlé par la finance juive et les médias juifs, s'il n'y a pas le facteur femmes blanches, Le système, leur système, leur stratégie ne fonctionne pas. Ouais, c'est-à-dire que même avec toute la propagande qu'il y a, la propagande, elle touche les hommes. Les hommes, enfin, vont être, il y a des gens de gauche, enfin, on les voit, ils sont dans les médias, c'est eux qui font tourner la boutique, en fait, hein. Bon, bref. Mais comment dire, sur la totalité de la population, ce que ça, enfin, l'effet que ça a, s'il n'y avait pas de vote, droit de vote des femmes, il y aurait pas de, enfin, très peu de gauche en France, et dans le monde occidental en En tout général. cas, elle serait très très minoritaire. Oui, c'est marginal, elle serait pas triomphante, enfin, n'aurait pas Ouais. des, enfin, toutes ces histoires de mariage des PD et compagnie, Ouais, ça ouais, c'est c'est truc de qui femme, a hein. des amis homosexuels? Des femmes, hein, C'est des les gens femmes. normaux n'ont pas d'amis PD, enfin, c'est pas, Évidemment. ça n'a pas de sens. Surtout que les femmes se comportent politiquement comme des conformistes. Donc, juste il y a un vent ambiant, puis elles suivent la trame. C'est Exactement. d'ailleurs un élément à mettre Ouais, c'est dans la donc le gueule de. conformisme plus l'énergie sexuelle. Ouais. Ouais, complètement. C'est d'ailleurs un élément à mettre dans la gueule d'Étienne Chouard, qui a fait, j'en parle parce qu'il a fait Teshuvah cette semaine, où justement il dit oui, mais vous savez, la démocratie, on considère que c'est de la merde en ce moment parce que c'est pas la vraie démocratie, il faut revenir à la démocratie athénienne d'époque, à revenir aux sources. Effectivement, la démocratie athénienne, moi je suis démocrate, mais les votants étaient des hommes libres, mais des hommes, pas avec un H majuscule, voilà. Bah oui, ça, évidemment, il n'a pas compris ça, c'est-à-dire que c'était les chefs de famille qui avaient le droit de voter. Donc déjà, ça fait une très nette Mais ça change tout. différence. Bah ça change tout, évidemment, ça change tout. Évidemment, ça change tout. Les métèques n'avaient pas le droit de voter, et les femmes n'avaient pas le droit de voter. Donc, vous n'avez pas le même résultat à la clé non plus, tout à fait, hein. Donc Ouais, les femmes, et par conséquent, s'il n'y a que le chef de famille, les invertis là qui se. Ouais, voilà, c'est Par pareil, hein. Donc c'est définition, vraiment. ou C'est alors, celui. ou alors les avertis de l'époque devaient quand même se conformer à Se certains marier, ouais. usages, c'est-à-dire se marier, avoir des gosses, voilà. Bon, ils étaient peut-être pédés sur leur temps perdu, mais ils devaient quand même, si vous voulez, remplir une fonction élémentaire Ouais. sociale, Après, quoi. est-ce que c'est très bon pour la race? Bon, c'est une autre histoire, je ne C'est une pense autre pas. histoire, mais enfin, c'est pour dire que y avait un impératif incontournable, quoi. Voilà. C'est d'ailleurs une question, c'est pas une question rhétorique, pour le coup, j'ai vraiment pas la réponse. Je sais que sur DP, on avait parlé récemment d'une trisomique qui voulait être élue au conseil municipal ou qui a été élue. Elle a été élue. Est-ce que. Elle a Ah été non, élue. d'accord, formidable, Non mais c'est pas une blague, merveilleux. mais elle a été élue. Ah ouais, non mais l'indigénisme total. Ouais. Et du coup, je me pose la question, est-ce que un trisomique a le même droit de vote que moi en France? Est-ce Oui. qu'il n'a pas un Ah bien tuteur ou est-ce sûr, qu'il bien peut sûr. vraiment voter Oui. Bah il peut Ouais, être bon élu, bah il peut voilà. voter. Oui, c'est ce que je me dis, vu qu'il peut Et être voilà. élu, effectivement, il peut voter. Bon bah effectivement. Bah ça dit tout sur le Revenir aux régime, sources. hein. Je sais pas, Fulbert voulait prendre la parole, je suis pas certain, j'ai cru entendre. Non, non, pas du tout, c'était pour une petite plaisanterie, mais en faisant remarquer que les femmes sont entrées dans le jeu, effectivement, grâce aux Juifs, comme tu le signales, c'était au début du XXe siècle. Depuis, il y a eu deux guerres mondiales. Oui. Oui. Et donc, je suis pas. J'ai pas compris. Non, c'est une plaisanterie. C'est pour laisser entendre que depuis, il y a eu deux grandes catastrophes depuis qu'on a laissé parler les femmes. Voilà quoi. Bah, les guerres les plus saignantes, on les doit aux démocraties. Hein. C'est un fait. Ah, c'est certain. C'est sous l'ère démocratique qu'on s'est mis à éliminer en masse. Hein. C'est... Je suis désolé. Hein. Oui, et c'est la Révolution française des droits de l'homme qui a amené la conscription. Exactement. Non, mais voilà, enfin bon, là on s'est écarté évidemment du point de départ de la discussion qui était cette mésaventure de notre auditeur dans un TER, mais ce schéma-là, femme blanche en surpoids, agressive, amatrice de chibre marron, qui veut ruiner la vie, pour le coup, d'un homme... bien sous tout rapport, je veux dire, qui n'emmerde personne, qui va bosser, qui revient bosser. Voilà, enfin, je veux dire, vraiment, vous imaginez dans tout ce qui se passe, enfin, avec ce qui se passe dans tous les transports en commun français, hein, avec les bicots, les nègres, etc., et toutes les histoires qu'on a, voir des contrôleurs faire du zèle contre un homme blanc parce qu'il écouterait peut-être quelque chose qui serait déviant sur son temps libre en rentrant chez lui après le boulot pour payer des impôts, c'est-à-dire pour engraisser des nègres. Bon, bah, je sais pas combien de temps le schéma est censé durer, mais bon, à un moment donné, je pense qu'il va... À un moment donné, l'élastique va péter, je pense, à mon avis. C'est la logique concentrationnaire. C'est-à-dire que tu as la femme blanche qui est la commissaire politique, qui va voir l'exécutant, donc il a en plus il a l'uniforme pour faire régner l'ordre. L'autoritas et la potestas, c'est ça que tu veux dire? Ouais, non, mais c'est moi je suis persuadé que, enfin, c'est pas que je suis persuadé, je vois tout sous le prisme du mésilien, c'est ça que tu veux dire? De la vie en France, je vois ça comme un enfer concentrationnaire. Donc là c'est ça, c'est-à-dire que la police politique, la répression, le mouchard, mais là la répression du type qui vient t'arrêter, hein, vous êtes mal pensant, monsieur, donnez-moi votre téléphone, on va vous en embarquer, c'est... Oui, enfin, ouais, le contrôleur est intéressé à la partie, puisqu'il est teinté, quoi. Hein, Tout à fait. Il est teinté. Hein. Tout le monde est intéressé. Tout le monde est intéressé pour se faire pour se tailler la une part de beefsteak sur le dos du blanc. Ben ça, tout à fait. Tout à fait. C'est le projet, hein. C'est les travaux forcés. Est-ce que vous pensez, là c'est une question comme ça à brûle pour point, mais je ne sais pas si elle est exacte, mais est-ce que vous pensez que, d'une manière générale, on devrait aujourd'hui, en 2020, et à partir de 2020, à partir de cette année, partir du principe que les femmes blanches en surpoids sont en fait dangereuses pour un homme blanc, normalement constitué? Est-ce que vous pensez que ce sont des menaces potentielles? Je pense que oui, hein, mais je pose la question. Pierrot, ce que je sous-entends par là, c'est est-ce que, d'après vous, de parce qu'elles sont physiquement, elles vont vouloir détruire la vie d'un homme blanc, ou pas, ou non, c'est 50-50, ça faut dire beaucoup, mais ou c'est pas du tout lié, ou machin. Moi, j'ai tendance à penser que qu'elle chercherait à se venger de leur surpoids sur des gens normaux. Hein. J'ai tendance à le croire. Ouais, j'essaie pendant quelques secondes d'essayer de les sauver dans mon esprit, là, faire un peu un jeu de cartésien, mais c'est juste pas possible. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu penses que les femmes obèses ont envie d'enfoncer la tête sous l'eau d'un homme blanc normalement constitué? Qu'est-ce que tu penses que c'est une théorie intéressante ou pas? Non, mais c'est certain, moi j'en suis convaincu. Et parce que la femme obèse, en fait, déjà la femme obèse veut le nègre. Et le nègre est intéressé par la femme obèse. Et les nègres aiment bien les grosses. Voilà. Ouais. Donc elles peuvent même pas envisager une famille avec un homme blanc et puis se changer, tu vois. Parce que les hommes blancs ne s'intéressent pas à ce genre de truc. Sauf les cas désespérés, bien sûr. Ouais. Ouais. Alors là, cher Pierrot, je exprime mon désaccord parce que, au vu de la situation des rapports hommes-femmes en France, tu as des gens après absolument tout. Alors que je dis en France, C'est pas que. J'ai vu une créature absolument ignoble, une espèce de machin nègre difforme génétiquement, une erreur de génétique, quoi. Une chimère. Même pas du livre, une chimère quasiment. Elle était là, ouais, vous disiez que j'étais une erreur génétique, que je pourrais pas me reproduire, et paf, elle te sort le gosse qui a une gueule de pareil, quoi, le truc, un monstre, et bon. Il y a quelqu'un qui y a un criminel, tu vois, derrière qui est allé. Bah, l'enfant est noir, il est resté noir, donc le criminel est probablement de la même Ouais. couleur. Non, ouais, mais il y a plein, pas certain. Mais ces nanas ne rendent pas de problème de temps en temps quand elles ont un petit peu chaud. Hein, voilà. Il y a ce qu'il faut, et puis elles ne veulent pas se mettre en couple avec un blanc. Oui, sauf qu'à un moment donné, on se dit, ah, tiens, quand même. Il faudrait faire rentrer du fric, donc on va trouver la bête de somme qui va, qui va venir faire rentrer les sous. Donc, ouais, voilà. Ça dépend de quoi on parle. Hein. Si on parle de tirer un coup ou de faire une famille, quoi. Pour tirer un coup, une gonzesse arrivera toujours à trouver quelqu'un, même si elle est obèse, même si c'est un monstre. Ça, c'est certain. Mais faut pas croire. Hein. Même l'obésité, c'est aussi un impact sur la fertilité. Hein. Les femmes obèses, elles ont beaucoup moins de chances de tomber enceinte. Hein. Donc, pour Bah, fonder une tant mieux, famille. tant mieux. Non, Mais c'est pas attention, juste esthétique, c'est ça que je veux dire. Hein. vous vous rappelez, les nègres sont prêts à absolument tout. Je veux dire, vous vous rappelez de cette vidéo qui avait circulé Crime. sur les réseaux sociaux? Non, pire que ça. Sur les réseaux sociaux, il y a peut-être 2 ans de ça, où il y avait c'est filmé, je pense, avec un smartphone, qui surprend un nègre. Ah, avec la vieille, avec la prof, c'est ça? Non. Ah, une handicapée, ah oui, avec une Ouais, handicapée. une Oui, handicapée mentale, une trisomique. Il est en train de bourriquer une trisomique dans un ouais. Les mecs couloir. s'en foutent, hein. Ah ouais, non, mais je veux dire. C'est-à-dire que le type te fout un truc, mais imaginez ce qui peut en sortir. C'est terrifiant, quoi. Les Ah bah, nègres sont un prêts à tout. Hein. compatriote Un français qui votera d'ailleurs. Il sera plus français que ces salopards de Savoyards et de Niçois qui voilà, ils sont quand même hein, ils sont teintés de l'Empire encore. Hein. Bon, c'est un petit peu. Ouais. Là, j'ai une pensée pour ceux qui veulent absolument faire naître tout ce qui peut se trouver dans être le ouais, je sais pas, il y a des choses à dire quoi. Il y a des choses à dire, j'ai envie de dire. Ah, messieurs, bon. En tout cas, je suis très content qu'on ait eu cette anecdote très parlante sur les transports en commun français et sur la SNCF en particulier et sur son audacieuse politique de recrutement. Hein. Je suis totalement conquis. Merci à Appian, hein, de nous avoir donné cette anecdote. Alors, rubrique numéro 3, chers amis, nouvelle rubrique. Nouvelle rubrique, c'est bien de créer de nouvelles rubriques, c'est intéressant. Et cette rubrique numéro 3 est intitulée Le moment breton. Alors, vous allez demander, le moment breton, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous allons aller à Rennes. Nous allons aller à Rennes, où la police nationale a des choses à nous dire. Le compte le plus officiel possible de la police du département du 35 en Ille-et-Vilaine, dans la région rennaise, donc, a tenu à nous faire savoir que, eh bien, 24 heures sur 24, elle veille sur les pépites de la Bretagne. Je vous lis ce tweet, il est extraordinaire, il est d'ailleurs associé à une photo, hein. Alors, hashtag Rennes. Hein. En pleine nuit, se présente à l'hôtel de police une famille africaine en grande difficulté, fatigue et faim, avec 3 enfants, 2, 4 et 8 ans. Policiers rennais mettent à disposition nourriture et matelas jusqu'au matin. Hashtag dévouement au service de tous. Hashtag fier d'être policier. Alors, bon, tout de suite, mon premier annonce, c'est de multiplier les insultes. Alors, comme je vais quand même essayer d'éviter ça, je vous tends le micro, quelque part. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, fier d'être policier, hein, donc la fierté de la police, maintenant, ça Oui. consiste en fait à... héberger des nègres, hein, voilà, visiblement. Bon, en fait, on a maintenant compris ce que ça voulait dire. Hôtel de police. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi un hôtel de police. Je n'avais jamais compris ça. J'ai compris. Ça y est, c'est rentré. Alors, Derek, toi, ouais, c'est là beaucoup, que les forces de l'ordre. Toi, t'aimes beaucoup la police. Qu'est-ce qu'on pense ? J'aime beaucoup la police. Et là, donc, les forces de l'ordre sont venues reprendre des forces, du coup, à cet hôtel de police qui est tenu par des migrants français qui sont là, hein, qui portent un uniforme. Voilà, c'est très bien. L'autorité est venue prendre possession des lieux pour, ma foi. Propager la France partout dans la Bretagne. Oui, finalement, la France est chez elle, j'ai envie de dire. Ah, la France est chez elle, bien sûr. Presque une visite diplomatique. N'y aurait-il pas de plus en plus de femmes blanches en surpoids dans la police ? C'est bien observé. Il n'y a pas que les femmes blanches, parce que là manifestement, cette cellule terroriste d'envahisseurs que la police nationale du département, c'est d'Ille-et-Vilaine, je crois, c'est ça ? 35, Ille-et-Vilaine, oui. Ouais, donc cette cellule terroriste qui reçoit l'aide donc des migrants français du commissariat de Rennes, à ma foi, la femelle est particulièrement. Oui, il y a une photo, grasse, j'ai dit, il y a une photo, hein. Une photo. Donc on voit le comment décrire ça ? Le couple et ses chiens. Oui. Et oui, la cellule terroriste. Elle est grosse, hein. Elle est grosse, hein. Oui, alors imaginez-vous que il y a marqué ils avaient faim. Alors moi je regarde la négresse ou c'est pas flagrant, hein, je veux dire ça ressemble pas à des Somaliens qui sont en train de crever la dalle, hein. Ils sont gros et gras, hein. Elle a dû arriver en hurlant et en pleurant. Enfin, c'est ce qui est appelé publiquement le syndrome méditerranéen dans les hôpitaux. Oui. Méditerranéen, oui, mais surtout nègre, hein, en fait. Plus bas, oui, c'est simplement un peu plus. Comment dire, c'est un peu plus inhibé, un peu plus au nord, mais un peu plus. Hein. Oui. Mais voilà, donc bon, moment de rencontre entre la France et la Bretagne. D'ailleurs, ça m'a fait penser à une photo qui a circulé sur les réseaux sociaux cette semaine avec un rappeur. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette photo. Oh putain, oui. Oh là là là là. Qui est en garde à vue. C'est le rappeur en fait, Maes. Il s'appelle Maes. Ouais, c'est ça. Qui a une tête de bougnoule. C'est un Marocain. Et ouais. Qui publie donc un cliché en fait de sa garde à vue. En fait, il pose. Alors, il y a deux clichés qui ont circulé. Je sais que normalement, il aurait dû avoir les menottes avec le type, le policier qui est pas sur le cliché, lui a dit non, mais en fait, j'aime beaucoup ta musique, donc je te mets pas les menottes. Voilà. Et il pose avec une nana blonde qui est très heureuse, et avec un autre type, un policier. Ah, bah non, mais même ça, mais il lui met la main autour de la taille. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Alors, garde à vue. Alors. Bon, déjà, cardinal, précisons là, sur le audio, parce que tu dis c'est un Marocain. Oui, c'est peut-être un Marocain, mais ma connexion avec la divinité m'indique qu'il y a là aussi, il y a parcelle de divinité, parce que ce Marocain a des faciès de singe, hein. C'est particulièrement ignoble. Sud du Maroc. Ouais, c'est... Putain, et puis les yeux rapprochés, il n'y a rien qui va sur sa gueule, il n'y a rien qui va. Non, mais je suis d'accord, il y a du nègre là-dedans, il y a du nègre. Ah, il y a du nègre, c'est coupable. Hein. C'est malheureux, hein. On sait quand même qu'il y avait des pratiques saines au niveau de l'esclavage de ces sauvages dans le monde musulman. Au Maroc, il y a des trucs qui sont... Enfin, il y a eu du laxisme. Quand même. Oui, force est de constater que ça n'a pas été aussi rigoureusement appliqué. Malheureusement, tout à fait. Donc ça, c'est la première chose. Seconde chose, la petite fliquette est très mignonne. Hein, elle est très mignonne, mais par contre, elle est très contente de se faire serrer par le nègre, enfin, le machin négroïde marocain. Ouais. Serrer, donc, la main derrière la taille. Ouais. Troisième chose, la main de la créature, hein, donc ouais. Le type qui vient, est extrêmement proche oui. De l'arme de poing oui. Que cette femme flic a à la ceinture. Alors bon, si vous avez déjà écouté les auditeurs avertis, elles savent ce qu'il en est. Si vous voulez avoir une arme, c'est pas besoin de faire des démarches ou de chercher à carabistouiller au marché noir, etc. Vous avez des distributeurs automatiques ambulants qui se promènent partout en France, qui s'appellent les femmes flics. C'est là, il y a juste à se servir. Et là, bon, c'est super. Hein. Le type, il est arrêté en garde à vue, il a sa main à 10 cm du flingue de ouais, la nana. Ouais. Formidable, formidable. Bien évidemment, il va sans dire qu'aucune sanction ne sera prise, puisque nous avons des comptes Twitter officiels de la police nationale qui tweetent joyeusement en expliquant qu'ils aident des clans des énormes négresses avec leur bordée de négrillons à s'infiltrer sur le territoire français. Je ne sais pas si vous mesurez où on en est arrivé. C'est-à-dire que non seulement ils aident l'infiltration des clandestins, mais en plus, ils en font un instrument de communication sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est un argument de vente. Et ils marquent en dessous « fier d'être policier ». Donc si vous voulez, à un moment donné, quand la police française, parce que c'est ça aujourd'hui, hein, donne la main au réseau de passeurs, je ne sais même pas sur tout le reste, mais et s'en vante, pourquoi s'étonner de voir ensuite des fliquettes, hein, on ne va pas parler de la féminisation de la police, on en a déjà parlé, hein, c'est, ouais, qui sont en train de poser sur les réseaux sociaux aujourd'hui, bien évidemment, avec les gens qui sont supposés garder à vue, ça veut dire quelque chose, non, quand même, garder à vue, il faut le garder, d'accord, elle a dû mal interpréter le terme garder à vue, hein, voilà. C'est de la garderie, en fait. Oui, non, mais c'est même, je pense qu'elle veut le garder, c'est-à-dire qu'elle veut le... Elle veut garder pour elle, oui, voilà, parce que c'est son jouet, c'est pour faire des Dieu sait quoi avec, mais ouais, c'est ça. Alors, encore une fois, alors il y avait un mec avec lui aussi sur la photo. Alors, le mec a... ouais, est gris. Racialement. Il est gris. Il est gris. Non, mais il est gris. Non, il mais est très gris. Brun. Il est gris. Autant la fille, elle est blanche, la peau un peu rose, etc. Bon, lui, il est gris. Il est gris, c'est-à-dire... Ouais. Il y a un côté brumeux chez cet homme. Et barbe. Il a une barbe. C'est un Turc pour moi. Ouais, enfin, de toute façon, c'est la Méditerranée, là. Mais ça fait Maghreb, hein, ça fait Maghreb. Non, moi, je pense à la Turquie. Hein. Je pense plutôt Turc aussi, ouais. Des espèces de lutteurs, le type assez carré, c'est une tête de Turc. Hein. Alors, ceux qui se demandent c'est quoi comme couleur, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, ils disent, mais ouais, mais je vois pas bien, etc. Alors, c'est simple. C'est comme du thé avec du lait. Voilà, un thé noir avec du lait, voilà, c'est à peu près cette couleur là. Mais c'est franchement, c'est un truc délavé, un peu cradingue, vous voyez, voilà, bon, ça. Alors bon, lui il est content, bon, mais c'est normal, c'est un frère du bled, ça voilà. Bon, mais encore une fois, facteur femme blanche. Donc métèque, femme blanche, toujours la même combinaison fatale. Ça gère vos comicos, hein, près de chez vous. Hein. Donc, j'ai vu aussi, oh là là, dans les commentaires extraordinaires, on peut pas tous les citer. Tous les commentaires qu'il y a sur elb.su, mais il y a des témoignages qui passent là-dessus, c'est génial, je veux dire. Il y avait un participant dont j'ai complètement oublié le nom, un membre du forum, qui explique, bon, il s'est passé, j'ai eu telle mésaventure avec les flics, etc. Et les mecs commencent à discuter, et notamment il y en a un qui dit, j'ai testé la rapidité d'intervention des policiers, dans mon secteur. C'était de la gendarmerie, je crois. Donc, en fait, il avait un truc dans sa tête, et il dit, voilà, si je téléphone pour voir combien de temps les mecs mettent à répondre, qu'est-ce qu'on me dit, etc. Puis, je trouve une excuse bidon, genre, oui, bonjour, monsieur, oui, j'aimerais savoir vos horaires d'ouverture, blablabla, etc., pour justifier l'appel, quoi. Et en fait, il a jamais pu les joindre. Il a jamais pu les joindre. C'est-à-dire, t'as le temps de te faire égorger 15 fois, les types ne viennent pas, quoi. Ils répondent même pas au téléphone. Enfin, c'est atroce. Je vous dis que tous ces criminels en liberté ont leur utilité. Pour certains. Si on les relâche avec autant de facilité, c'est aussi pour intimider la population. Parce que c'est surtout, hein, c'est surtout pour ça. Hein. Ouais. Mais justement, moi je trouve ça bien que tu aies rappelé cela ou que tu l'aies expliqué, parce que j'aimerais faire un parallèle. Hier ou avant-hier, je crois que c'est hier, il y a eu une manifestation dans le goulag de Palavas-les-Flots. Vous avez vu ça? Oui. Et le commandant du camp, pardon, le maire de Palavas, qui s'appelle Christian Jean-Jean et qui est du Parti soviétique Les Républicains, exprimait tout récemment en affirmant que oui, on n'est pas content des agressions, des petits événements, des pour. Mais vous savez, il faut que jeunesse se passe. Il a dit ça. La jeunesse, c'est ce que tu as dit. C'est eux qui vont, c'est l'équivalent de ces crapules de droit commun des goulags soviétiques, employés par tous nos chers partis démocratiques pour tenir la population en laisse. Et ce n'est rien d'autre. Totalement. Et moi, je vous le dis, c'est ça la clé d'interprétation. Ben, c'est bien sûr. Tu as rappelé l'histoire du Covid, sans rentrer dans le complotisme sur les 5G, etc. Mais on sent bien qu'on nous prépare des difficultés à sortir de notre pays. Hein, parce que bon, les gens se barrent en France. Hein, c'est, si vous avez remarqué, il y a une fuite des cerveaux. Et des capitaux. Capital cognitif du. Oui, des capitaux en Israël. Les cerveaux et les capitaux, c'est très important. Les cerveaux, oui. Ouais, vas-y. Vas-y. Non, je t'en prie. Là, je voulais simplement rajouter que le commandant du camp de Palavas-les-Flots, du Goulag, pardon, est un boomer. Hein? Donc, vous m'avez compris. C'est pas le Palavas qu'on a l'habitude de connaître, mais il faut le supporter, on n'y peut rien. Les polices municipales font ce qu'elles veulent. On est quand même dans un pays de liberté, on est dans le pays de la démocratie. Il faut aussi en tenir compte, voilà. Donc nous faisons fermement le nécessaire, mais il faut que la vie se passe et que jeunesse se passe aussi. C'est extraordinaire. Formidable. La droite, hein, la droite sécuritaire, hein, les Républicains. Je traduis, ils en ont rien à foutre, hein, ils vont rien faire, ils ont rien. Ah non, c'est pas ça, c'est pas ce qu'il dit. Il dit parce que là, il y avait une manifestation de gens de ce qu'on appelle les riverains, donc en fait des blancs, excédés par les agressions, par les gitans, les bougnoules et tout ce que vous voulez. Ce qu'il dit, c'est bon, ouais, vous êtes pas contents, d'accord, mais attention à vous, hein. S'il y en a un seul d'entre vous qui touche à un gitan ou à un bougnoule, on sera là pour s'occuper de votre cas. C'est ça qu'il dit. Il menace la population. À demi-mot, il menace la population. Au nom de la République. Oui, la démocratie, tout ça, on connaît. Attention, République, démocratie, etc. Liberté. Jeunesse, liberté, machin. Donc, il faut que jeunesse se passe. Donc, bon, les jeunes, on sait ce que c'est. C'est quoi les jeunes? C'est quel pays? Le jeune, c'est peu importe l'âge, c'est un truc qui vient d'Afrique. ou d'Asie mineure. Hein. Non, mais c'est fascinant, c'est-à-dire... Voilà, c'est le maire, il est censé représenter sa population. Moi, c'est toujours ce que j'ai dit, les gars, quand vous voyez un truc qui est en position de représenter quelqu'un, il représente l'État auprès de la population et pas l'inverse. Les gens, quand ils votent pour un maire, ils pensent, on a élu quelqu'un qui va nous représenter auprès de l'État. C'est l'inverse. Vous avez coopté quelqu'un qui va représenter l'État auprès de vous. C'est très différent. Personne ne comprend ça en France. Hein. Personne. Là, ils en ont la manifestation. C'est-à-dire que les gogos qui ont voté pour ce clown en disant bah il va nous défendre. Non, il a reçu un coup de téléphone du préfet, en général ça suffit. On lui a dit là votre population, là, vous nous calmez ça tout de suite, etc. Donc le type t'explique, voilà, les bougnoules, ils ont des les gitans, les bougnoules, ils appellent ça des jeunes, quoi. Ils ont la liberté, la démocratie. Bon, pendant pendant ce temps-là, tu vois, si tu déclares pas 100 € au fisc, on va voir combien de temps tu vas rester en liberté. Pareil sur les mouvements, tu peux pas te déplacer, il faut porter un masque, etc. Non, ils se foutent de la gueule des gens. Hein. Et là, ce qu'on a entendu, c'est typiquement le fonctionnaire du Parti communiste en Union soviétique. C'est la même chose. Hein. Je comprends pas pourquoi les gens sont en train de se raconter des conneries avec les élections libres, la constitution de parti et la pluralité. Il n'y a pas de pluralité. Il n'y a pas de pluralité. Il y a une gestion, qui est partagée du système, voilà. Alors, peu importe le pays d'ailleurs, voilà, t'as le parti travailliste, parti conservateur, parti humaniste, parti démocrate, démocrate chrétien. C'est comme quand tu vas chez le glacier, hein, t'as toutes les saveurs, sauf que c'est le même fournisseur, hein, c'est le même truc, et on te fait comprendre que voilà, non, t'as le droit de gueuler, ouais, comme à Palavas, là, allez Jean-Michel, allez, voilà, là, pendant une bonne heure, on va gueuler dans la rue, là, et voilà. Mais après, tu rentres chez toi et tu fermes bien ta gueule, sinon on va s'occuper de ton cas. Pendant ce temps-là, évidemment, il y a Mohamed, Abdelkader, Karim, qui peuvent faire absolument ce qu'ils veulent, parce qu'il faudrait quand même pas attenter à leur liberté. Quand même. On est quand même en France. La liberté des bougnoules, c'est important. Voilà. Bon, en même temps, mais j'ai envie de vous dire, les gens, ils votent pour ça. Bien sûr. Voilà. Bon. Ils sont très attachés à leur valeur de la République. Bon, mais tant mieux. Voilà. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, moi, je veux pas non plus pleurer sur la population locale qui vient de reconduire cette espèce d'outre qu'on a entendu. Je veux dire, à un moment donné, c'est bien fait pour leur gueule. C'est bien fait pour leur gueule. Ils avaient qu'à voter mieux. Voilà. Bon, je sais pas s'ils avaient tellement le choix localement. Je ne connais pas les candidats qui se présentaient à eux. Je présume qu'ils avaient au moins un candidat RN. Bon, alors le RN national, on sait ce que c'est, mais au plan local, il y a encore des maires au plan local qui font des trucs pas totalement dégueulasses, hein. Bon, il y a des communes qui essayent quand même. Il y a pas beaucoup de communes RN, je veux dire, mais bon, celles qui ont été élues, enfin là où les communes où un maire RN a été élu, ils essayent quand même de mettre le paquet sur la sécurité, parce que c'est un peu pour ça qu'ils sont élus quand même. Donc je présume qu'à Palavas, il y avait quand même un candidat RN. Je peux me tromper, peut-être qu'il n'y en avait pas. Mais s'il n'y en avait pas, ça veut bien dire que localement, il n'y a pas de demande non plus. Hein. Donc voilà, bon, les mecs sont pas contents, bah... eh ouais. T'avais qu'à voter mieux. C'est tout. Moi, je suis pas un adepte de l'élection, mais ces gens-là vont voter, ces gens-là nous parlent de République, de démocratie matin, midi et soir, que ce soit sur Facebook ou bien dans la vraie vie, et ça ne marche pas, ils tirent aucune conclusion. Bon, voilà. Bon, le mec, il est maire depuis 1989. Non. Ouais, alors... voilà. Non, mais quand on parle d'Union soviétique... Non, mais c'est-à-dire, imaginez, le mur de Berlin n'était pas tombé. Beaucoup de nos auditeurs n'étaient pas nés. Oui, c'est-à-dire que il y a certains auditeurs même ils ont, comment dirais-je, deux fois l'âge de son mandat, enfin deux fois moins que la durée de son mandat. Enfin bref. Bon. Comme je connais le mental, comme je commence à m'en approcher, à comprendre. Que dans les peuples démocratisés, quand on fout quelqu'un d'incapable qui fait chier son monde dehors, en général, on le remplace par quelqu'un de pire. Et ça, c'est une règle à peu près générale. Ouais, ça te rend nostalgique du crapuleux d'avant, tu vois. Ouais, moi je vois bien des écolos arriver au pouvoir à Palavas-les-Flots aux prochaines élections, par exemple. Oui, mais ça j'y crois assez, hein. Comment dire Alors c'est vrai ça, la plupart des cas, sauf dans les coins qui se sont mangés 50 ans de communistes après la guerre. Donc là, les territoires ont été ravagés, tu vois. Ouais. Mais ils ont pas récupéré, quand même au bout. Non, ils ont pas. Économiquement, je veux dire, ils ont pas récupéré. Hein. Ouais, de toute manière, économiquement là, le pays qui s'arrête pendant des mois, lol. Quoi. Les mairies, il y a du mieux. Il y a une évolution depuis une dizaine d'années dans ces coins-là, mais ça reste quand même marginal vu que ça part de très très loin. Ah oui, indubitablement. Hein. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oh là, la France paradis communiste, formidable. Bon, faisons une pause musicale, messieurs, puis ensuite on se retrouve pour la deuxième partie de Démocratie participative. voici pour cette deuxième partie de Démocratie Participative, saison numéro 5, épisode 30. Alors messieurs, rubrique numéro 4, diversité. C'est un incident qui a attiré l'attention de l'opinion publique, évidemment. Elle se déroulait au Havre, qui est la ville d'Édouard Philippe, hein, comme vous le savez. Hein. Ville rayonnante, bien gérée, hein, apparemment, et qui a donc connu un petit mouvement de panique suite à une prise d'otage. Alors, je cite ici une dépêche Reuters pour nous en dire plus. Alors, l'individu psychologiquement perturbé qui a retenu 6 personnes en otage jeudi dans une banque du Havre était obsédé par la cause palestinienne et se voyait en Mujahid, mais ne s'est revendiqué à aucun moment d'un groupe djihadiste, a-t-on appris vendredi de sources policières. Le suspect, un homme de 34 ans, avait déjà pris 4 personnes en otage dans une banque du 13e arrondissement de Paris en 2013. Donc c'est un récidiviste. Hein. Il n'avait à l'époque aucune motivation politique ou religieuse, puisqu'il réclamait un logement social pour lui et son fils handicapé. Intéressant plan génétique. A précisé la source policière qui a assisté aux négociations menées par le RAID. Après avoir libéré ses otages et s'être rendu sans violence, il avait échappé à la prison. Donc ça c'est la première fois hein, lors du premier braquage. Hein. Il avait échappé à la prison et séjourné dans un hôpital psychiatrique. Son nom avait néanmoins été ajouté au fichier du traitement d'antécédents judiciaires, le TAJ, sous séquestration et port d'armes. L'homme s'était depuis installé dans la région du Havre où il était suivi par les services de sécurité pour suspicion de radicalisation, a indiqué le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Moussa. Oui, Moussa. Selon la source policière, sa fiche S mentionne uniquement une personne psychologiquement instable à tendance paranoïaque, susceptible de se radicaliser. Pendant les 6 heures de négociation, le preneur d'otage a cité à plusieurs reprises le prophète Mahomet et s'est parfois exprimé en arabe, mais il n'a évoqué ni l'État islamique ni aucun groupe djihadiste, a poursuivi la source. Il demandait la libération des mineurs palestiniens détenus en Israël et l'accès des Palestiniens âgés de moins de 40 ans à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, a-t-elle détaillé, évoquant un discours assez décousu pendant lequel il a exigé que le préfet de Paris publie un communiqué pour soutenir ses demandes ou réclamer l'accès aux chaînes d'information continue. Équipé d'une arme de poing, il menaçait de tout faire sauter si la police approchait. En revanche, il a toujours été très correct avec les otages, il n'y a eu ni violence physique, ni menace verbale à leur égard, et les négociations avec le RAID n'ont jamais été rompues. Selon la source policière, l'individu a très vite réclamé qu'un scooter lui soit fourni vendredi à 4h du matin, après la première prière musulmane de la journée, pour parcourir avec un otage menotté les 500 mètres le séparant du commissariat voisin où il entendait se rendre à la police. Après avoir relâché un à un ses otages, il est finalement sorti de l'agence bancaire vers 22h45, enveloppé dans un drapeau vert du Hamas palestinien, sans que le moindre coup de feu n'ait été tiré. En fait, c'est le drapeau du Hamas qui aurait été impliqué. Alors, messieurs, on a parlé beaucoup d'assassinats de sang-froid hein, ces dernières semaines, surtout au mois de juillet. Hein, vous rappelez le chauffeur de bus de Bayonne, Thomas, dans la région parisienne, hein, poignardé, évidemment, aussi cette gendarmette écrasée par un véhicule conduit par un arabe. Enfin, bon, les Arabes sont très très remuants, peut-être aussi parce que, je dois le dire, hein, ils sont privés de vacances. Ils sont privés de vacances, personne ne le dit. Ils n'ont pas pu rentrer au RAID. On leur prive d'un lien avec leur racine, avec leur terre. Hein, et voilà. Enfin, on prive surtout les Algériens de se faire cambrioler, parce qu'il faut quand même savoir que les périodes où il y a le plus de larcins en Algérie, c'est quand les Algériens de France viennent en vacances. Quoi. C'est bon. Ah bon ? Ah ouais. C'est le meilleur des deux mondes, on va dire. une personne psychologiquement instable à tendance paranoïaque susceptible de se radicaliser. Alors ça, c'est très exactement la définition d'un maghrébin habitant en France. Bravo, enfin moi je salue quand même la sagacité la concision aussi de nos forces, enfin de non pas nos forces pour le coup, hein, des effectifs de police, oui. Des effectifs de la police républicaine qui sont capables de voir que ils ont en face d'eux un bougnoule quand ils voient un bougnoule. C'est bien, ils sont payés pour ça, ils ont un salaire, ils ont une retraite, hein, ça c'est bon, je pourrais faire la même chose pour pas pour moins cher parce que je vais pas brader non plus mes compétences, mais voilà, bon, c'est toujours intéressant de voir qu'il y a des gens qui sont payés à rien foutre pour remarquer qu'un bougnoule est un bougnoule. Oui, effectivement, le profil psychologique des Arabes est généralement assez redondant, hein, c'est monotone, hein, faut quand même le reconnaître. Oui, là, c'est un profil paranoïaque, c'est bien la formule, j'aimerais bien que tu la reprennes, hein, profil paranoïaque. Une personne psychologiquement instable, à tendance paranoïaque, susceptible de se radicaliser, bon, c'est un psychopathe, enfin, la psychopathie est... comment dire, est très présente chez ces populations. Enfin, pour le coup, tu as plein d'études scientifiques qui le prouvent, que ce soit chez les... C'est très officiel, c'est même reconnu par la presse algérienne. Oui, même, non, mais pas que enfin, les Algériens, mais c'est pour les autres, quoi, hein, ceux qui viennent en bas. Hein. Les nègres aussi, c'est pareil, ce sont des psychopathes. Hein, les nègres sont des psychopathes. Ah, mais il faut citer le professeur qu'un de nos auditeurs... Charles Richer. Ouais. Non, un psychiatre qui fait des études sur putain, le sujet. J'ai oublié. Le docteur Porro. Voilà, ouais, c'est ça. Le docteur Porro, dont on avait mis dans une émission les liens vers les études grâce à un auditeur qui nous les avait communiqués. Fantastique. Voilà, qui avait fait le portrait psychiatrique des Maghrébins dans les années 30, sur la base des crimes qu'ils commettaient déjà en France. Et ça a pratiquement un siècle, et ça n'a pas pris une ride. Hein. J'allais dire que c'est plus actuel aujourd'hui que ça l'était il y a un siècle. Donc voilà, donc les Algériens, les Maghrébins en général, sont des paranoïaques, psychologiquement instables, pouvant se radicaliser à tout moment. Oui, ce sont des cinglés, oui. Alors celui-ci donc était plus porté sur la cause palestinienne, hein, c'est plus ça, enfin c'est quand même très lié au monde islamique, hein. Il cite Mahomet, il parle en arabe, il faut prier à la mosquée, avec ça, mais je pense que c'est simplement parce qu'il voilà, il a pas reçu un coup de téléphone d'un agent, des trucs, mais c'est juste ce qui fait la différence. Hein. Je pense qu'il était, enfin, faut voir comment, faut se mettre à la place de l'animal quand même. Il devait se dire, en plus il voulait l'accès aux chaînes télévisées, il voulait faire porter un message. Tu vois. Note qu'il n'a pas été violent envers les otages pour le coup, contrairement à l'arabe classique, on va dire. Dans son délire paranoïaque, je pense qu'il a voulu justement faire son machin Palestine, etc. Pour se dire, ouais, putain, il faut chier à montrer à dire qu'il y a des Arabes qui plantent des gens, c'est sûrement faux, c'est un coup, c'est les médias qui disent ça pour nous diaboliser. Donc du coup, en toute logique, je vais prendre en otage des gens, hein, c'est normal, hein, pour faire passer mon message. Bon. Oui. Logique de bougnoul, oui, effectivement. Oui. Logique de bougnoul. Mais bon, dans son truc, je pense qu'il n'a... Il n'avait pas pour objet de trucider des gens. C'était pour lutter contre les médias islamophobes. Je pense qu'il a fait ça comme ça. Pour voir un petit peu comment, enfin, pour les observer d'assez près, ces gens, beaucoup fonctionnent comme ça. Pour lutter contre la propagande islamophobe, donc il veut un accès à un média. Donc il va faire son coup d'éclat. C'était un bide énorme, avec la demande du T-Max. Bon, c'est ridicule. Alors, tu dis, comment dirais-je, ça a fait un bide. Alors, à mon avis, hein, chez les quelques 10 millions de musulmans établis en France, ça n'a pas fait un bide du tout. Hein. Ça, il faut comprendre. Hein, il faut bien... C'est pas parce que vous... C'est-à-dire, à quel... Non, mais à quel niveau ? Bah, c'est-à-dire que si, évidemment, l'opinion publique va peut-être réagir blanche, va peut-être réagir négativement à cette prise d'otage, mais sachez que les musulmans de France, il y en a quand même un bon paquet, se retrouvent totalement dans ce type d'initiative. Hein. Non, je pense pas. Moi, je pense au contraire que les autres musulmans de France sont tout aussi paranoïaques et psychologiquement instables, et qu'ils vont se dire, oui, non, ce type-là est arrivé avec un drapeau du Hamas pour défendre la Palestine en faisant un crime, du coup, en prenant des gens en otage, pour salir la cause palestinienne, donc c'est un agent, etc. Donc, alors, attention, là, je t'arrête tout de suite, c'est-à-dire que... Là, tu raisonnes un petit peu trop, de manière trop rationnelle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas sous-estimer la capacité des Maghrébins à avoir deux perceptions d'un même phénomène en même temps. Donc, eh oui, tout à fait. Donc, c'est-à-dire que si un blanc est dans le coin, il va parler comme ça. Il va dire, ouais, mais ça n'a rien à voir avec l'islam, nous on n'est pas comme ça. Si un arabe est dans le coin, il va dire, ouais, putain, nique les juifs, tu vois ce que je veux dire. Ça va dépendre du public, en fait. Et donc, selon qu'il a un public blanc qui le met en accusation, vous savez que les sémites ont beaucoup de mal à être mis face à leurs responsabilités. C'est quelque chose qui les place dans un stress psychologique intense. Ils sont absolument innocents de tout et coupables de rien. Et voilà. C'est la règle de base du sémitisme. Alors, ce qui explique, du coup, le bobardage, etc., les délires, bon, voilà. Mais, je veux dire, c'est pas pour autant que les types se désavouent. Ça, c'est une capacité qu'ont les sémites, assez stupéfiante d'ailleurs, alors que l'Aryen, l'homme blanc, lui. Adhère. Il s'excuse pour les trucs qu'il n'a pas fait. Oui, ça c'est un défaut que nous avons effectivement. Trop d'empathie tue l'empathie, j'ai presque envie de dire, mais je veux dire, on se reconnaît, on assume nos actes. C'est-à-dire que les actes que nous avons faits, nous les assumons. Mais nous ne. Parfois, bon, pour les gens les moins courageux, on ne les assume pas. Mais alors, les bougnoules ont cette capacité, c'est-à-dire de les assumer sans les assumer, tout ça en même temps. Ça c'est extraordinaire, c'est une capacité que nous n'avons pas. Hein. Voilà. Donc voilà, c'était une petite correction que je voulais apporter à ton propos, mais qui reste pour l'essentiel très vrai. Hein, mais je veux dire, voilà, c'est un peu comme Charlie Hebdo, c'est-à-dire caractérisé ça d'une formule hein, durant Charlie Hebdo et puis surtout le Bataclan, parce que j'avais compulsé en fait toutes les réactions des bougnoules sur les réseaux sociaux, sur Facebook, etc. Et en fait, j'avais synthétisé ça comme ceci, donc j'avais résumé en fait les propos qui revenaient constamment de la part des bougnoules, donc Mohamed, Cyrine, tous ces sujets sur Facebook. C'est pas bien, mais c'est bien fait pour leur gueule. Voilà, c'est cette capacité qu'ont les bougnoules, là, tu vois, voilà, c'est particulier, hein, c'est particulier, hein. Voilà. Donc voilà, donc je pense que les bougnoules, en voyant ça, ils ont dit exactement la même chose. C'est pas bien... Mais c'est bien fait pour leur gueule. Voilà. C'est... Avec un petit remords quand même, il n'y a pas de mort. Ils ont une vérité qui est centrée sur leurs intérêts propres. C'est pas bien parce que ça peut nous causer du tort. C'est ça. Mais en même temps, dans l'absolu, ce sont les mecs de Charlie Hebdo, ce sont des enculés, donc c'est bien. Donc, voilà. Donc démerde-toi avec ça. Voilà. Et nous sommes tous des Français, etc. Bon, hein, voilà, non, ils sont plus Français. Ils sont plus Français, plus Français, tout à fait. Tiens, d'ailleurs, je dévie totalement, mais puisqu'on parle de francité, là. Vous savez, le roi Juan Carlos a quitté l'Espagne. Non, mais il y a un lien avec l'histoire avec l'Arabie Saoudite, je crois. D'argent, je ne sais, bon. Et qui c'est qui allait en... Ça a été retweeté par Manuel Valls, alors je suis forcément très intéressé par ce que fait Manuel Valls, c'est ce qu'il dit. Je suis un grand passionné par l'œuvre politique de Manuel Valls, donc je me tiens toujours au courant. Et alors, pourquoi je vous parle du roi Juan Carlos, ce n'est pas à cause de Manuel Valls, mais à cause de ce qu'a retweeté Manuel Valls. Manuel Valls a retweeté l'intervention de Claude Haskolovitch à propos du roi d'Espagne. Voilà. Et en fait, je me fous totalement de ce qu'a dit Claude Haskolovitch du roi d'Espagne. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il il revient de vacances, il ressemble à un nègre. C'est effrayant. Je vous assure. Non mais je vous mens pas. Je vous mens pas. Vous allez sur le compte Twitter de Manuel Valls. Vous défilez, c'est les derniers tweets. Regardez Claude Haskolovitch, regardez la couleur de la peau, c'est incroyable. En un mois, il ressemble à un trafiquant d'esclaves de Palestine, dans l'Antiquité. Il ressemble à un vendeur de dattes. C'est incroyable. Il a une gueule de bougnoule. C'est incroyable. C'est ce qu'on appelle un pruneau, cher ami. C'est un pruneau d'Agen. Mais il est noir. Il est noir. Il est noir. On dirait un Antillais. Vous voyez, le truc blanc mais noir par-dessus, vous voyez, c'est très particulier. Hein, c'est, voilà. Alors, bon, voilà, alors, évidemment, Claude Haskolovitch, avec sa gueule d'antillais et son prénom de polonais, comment dirais-je, et son nez crochu, ouais. Est plus français que vous. Alors, voilà, c'est pour ça que la francité des sémites, c'est bien connu. Alors, ils sont plus français, plus archi-français, super français. Voilà. Non, mais ça m'a choqué, non, j'ai été choqué. Même moi, j'ai été choqué. Et pourtant, je suis rompu à l'exercice. Non, mais franchement, allez voir, vous aurez un mouvement de recul. Je vous assure. Je ne vous baratine pas. Hein. Bon, voilà, c'était la petite tranche Maghreb United. Bon, voilà, on va y revenir un peu, de toute façon, sur le Maghreb. Alors, sur ce, bon, continuons avec nos rubriques de la semaine. Rubrique numéro 5, le sale juif de la semaine. Alors, c'est Mathieu Kassovitz. C'est dans Le Parisien, le réalisateur d'origine juive, hongroise, revient sur un certain nombre de points, et il s'exprime. Hein. Alors, voici ce qu'il dit. Alors, ça c'est la question du journaliste du Parisien. Les mobilisations autour du comité Vérité pour Adama Traoré prouvent que la haine est toujours d'actualité. La haine faisant référence, bien sûr, au film réalisé par Mathieu Kassovitz dans les années 90. Sa réponse, oui, je soutiens le comité à 100%. D'ailleurs, il y aurait un film à faire sur l'histoire d'Assa Traoré, la sœur d'Adama, son combat, la violence étatique autour de cette histoire, le manque d'éthique et de respect pour des gens qui souffrent. C'est ça qui n'a pas changé depuis 25 ans. Donc ça, c'est sa première réponse. Donc ça a d'ailleurs fait un peu causer, puisqu'en fait, il dit, voilà, il faudrait faire un film sur l'affaire Adama Traoré. Hein, alors vite fait, en passant, cette première réponse, qu'est-ce que vous avez envie de dire de Mathieu Kassovitz là, parce qu'il essaye de nous vendre le truc, hein, voilà. Et je pense que les Juifs vont investir des billes là-dedans. Je pense qu'ils vont dire il y a un billet à faire pour alimenter la mythomanie ambiante. Je pense que ça marchera assez bien. Qu'est-ce que vous en pensez ça? Ouais, ils vont le faire. C'est la mode depuis 5-6 ans de faire des films avec des négresses. Il y a eu des Palmes d'Or au Festival de Cannes, au César, etc. Bah, Kassovitz s'est maquillé une négresse d'ailleurs. Hein. D'où. Ah bon. Ouais. Non, mais c'est vrai. Mais, oui, non, mais enfin, le cinéma français, la France en général prépare son plongeon olympique vers le Congo, mais le cinéma qui est donc. Quelque chose qui est une entreprise communautaire juive, oui. Encore plus. Donc là, si on peut nous faire un truc, un énorme navet avec une négresse qui se bat contre les méchants blancs et contre l'État raciste, parce que bon, ça marchait dans les années 90, l'État raciste, etc. Alors peut-être ça marche encore, parce que bon, il y a quand même des nègres qui y croient. Mais bon, la corde est un petit peu usée, je pense. Bah, c'est-à-dire que quand tu vois des fliquettes qui posent avec des rappeurs marocains et, des flics de l'hôtel de police de Rennes qui hébergent des clandestins africains aux frais de la princesse, c'est-à-dire aux frais des contribuables. On vient de parler d'état raciste là-dessus, c'est vrai que là, il y a quand même... Bon, c'est difficile à digérer, quoi. Hein. En tout cas, ça tranche. Après, c'est vrai que bon. Mais pour un public d'Algériens ou de nègres, ça prend. Les Algériens ne sont pas très friands de nègres. pour des nègres. Non, mais ils n'aiment pas les flics, donc ils préfèrent les nègres aux flics. Oui, hein. Mais des femmes blanches aussi sont intéressées par une œuvre de résistance, une résistance contre la puissance patriarcale, centraliste. Ah oui, oui. Ouais, le phallus, Macron. Ils vont sélectionner pour celui qui tiendra la fourchette. Ah, bonne question. Est-ce qu'il y aura ce passage-là, effectivement, quand Adama se fait pomper le dard par son co-détenu, menacé par une fourchette. C'est antillais, je crois. Il est antillais ? Oui, c'était un nègre, il me semble. Je sais pas. J'aimerais bien en savoir davantage, mais Kassovitz est curieusement discret sur ce petit point de la biographie d'Adama. Hein. Ah, ça sera une ellipse narrative. N'empêche que quand on voit comment les Juifs ont tendance à présenter leurs amis nègres hein, pour en faire des héros de la lutte pour l'émancipation contre le joug blanc, moi, qui étais déjà pas friand, si vous voulez, de Nelson Mandela, je révise drastiquement, si vous voulez, hein, quand même. S'ils font ça avec la famille Adama, vous pouvez être sûr qu'ils le font avec tous les nègres. Hein, donc Nelson Mandela, tous, hein, toute la clique, hein, Martin Luther King, vous pouvez être sûr qu'à peu près tous les clients. Théo, la matraque. Ah oui, oh, mais j'ai oublié celui-là. Oui, putain. Faudrait qu'il fasse un film porno, tiens, sur Théo. Vu que les Juifs sont assez impliqués dans l'industrie pornographique, pourquoi pas. Je sais pas. Avec une caméra, une caméra de coloscopie, quoi. Tu fais un film vu de l'anus de Théo, quoi. À la première personne. Rien que, tu entends le bruit, tu vois des trucs qui bougent, et puis à un moment donné, tu as un truc qui arrive, puis qui s'en va, puis voilà. Quoi. Puis après, tu as François Hollande qui est là. Tu entends François Hollande qui arrive. Il y a un concept artistique à développer là-dedans. Hein. J'ai une âme d'artiste un petit peu. Quand même. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai. Mais tous autour de la table ici, nous avons une âme d'artiste. Alors, ça c'était la première réponse. Hein. Alors, deuxième question. Le trio principal de la haine est composé d'un juif, d'un arabe et d'un noir. Est-ce qu'aujourd'hui vous écririez un tel scénario ? C'était déjà un peu tiré par les cheveux à l'époque, hein, concède Mathieu Kassovitz. Dans les quartiers, il y avait très peu de familles juives traditionnelles. Mais je voulais écrire un conte universel. La haine ne s'adresse pas aux gens de banlieue, mais surtout aux bourgeois du 7e arrondissement. Le but, c'était de leur dire... Ces mômes ne sont pas des criminels, ils sont comme les vôtres. Ils sont nés ailleurs, c'est tout. C'est très facile de dire qu'Adama Traoré était un voyou qui n'a eu que ce qu'il méritait. Mais si tu connais sa famille, sa sœur, son histoire, tu ne vas pas supporter qu'il se fasse tuer comme ça. Alors donc, c'est un conte universel. Voilà, donc des nègres et des maghrébins qui sont donc dirigés par un juif... pour remettre en cause l'ordre blanc établi, hein, donc au terme d'une guerre raciale. C'est ce qu'appelle notre ami Kassovitz un conte universel. Il dit, voilà, les bourgeois du 7e arrondissement, ça c'est une formule marxiste, en fait, pour décrire des blancs, en fait, hein, c'est tout, hein, je veux dire... les quartiers où il n'y a pas trop de juifs, quoi. Voilà, c'est en fait, le 7e arrondissement, en fait, si vous êtes blanc, hein, tous vos voisins sont blancs et vous gagnez tout le monde gagne plus ou moins 1 500 € par mois. Bon, bah pour Kassovitz, c'est le 7e arrondissement. C'est grosso modo, c'est ça. C'est-à-dire, c'est homogène, c'est blanc. Voilà, il y a une bagnole, il y a un chien, il y a deux gosses. Voilà, ça c'est la bourgeoisie oppressive, si vous voulez. Hein. Donc de Kassovitz, qui, comme vous le savez, est un prolétaire sans le sou. Hein. Ah oui, sans le sou, Kassovitz. Hein. Bon, il vit à Vincennes, par contre. Ah. Oui, il a déménagé. Oui, il est parti. Il a expliqué qu'il avait quitté donc le 20e arrondissement, parce qu'il était lassé, il avait dit, parce que les populations locales du 20e arrondissement, je cite, c'est vraiment qu'il dit, c'est cité dans Libération, attention, hein, vidaient leurs poubelles dans la cour de récréation de ces gosses. Ces gens-là, il a dit, ces gens-là, ce sont des cons, et les cons, il y en a partout. Voilà. Alors, Moi, j'ai une idée, je pense que c'était des suprématistes blancs. Pour accuser les gens qui déversent des poubelles dans les écoles. Ouais. Ce sont des auditeurs de démocratie participative. Ils font ça exprès. Ouais, ils sont vicieux, ces sales blancs. Hein. Alors, ça peut faire marrer nos auditeurs quand tu dis ça, mais je tiens à le souligner parce qu'ils ne l'ont peut-être pas su. Mais il faut savoir que très sérieusement et au plus haut niveau du Parti démocrate et des médias juifs aux États-Unis, donc tous les médias sont juifs aux États-Unis, hein, pratiquement, hein, tous les grands médias sont juifs, ils ont affirmé, le plus sérieusement du monde, hein, que les émeutes raciales qu'on a vues, vous savez, avec des magasins qui brûlent, etc., dans les villes où les nègres étaient en train de tout foutre et à feu à sang, étaient en réalité, il y a eu des maires de très grandes villes américaines, hein, des nègres ou des juifs, qui ont dit qu'il était possible qu'en fait les incendies soient déclenchés par des suprémacistes blancs pour attiser la haine raciale. Mmh. Oui, non, mais très sérieusement, je veux dire, au plus fort des émeutes, quand il y avait des hordes de nègres dans les rues, ces mecs n'ont pas eu froid aux yeux, hein, je veux dire, la chutzpah juive intégrale. Hein. Les mecs sont arrivés, on dit, non, mais il y a de bonnes raisons de penser que ce sont des suprémacistes blancs. Bon. Donc, Kassovitz, c'est un mec, il aurait pas peur de dire, vous savez, bon, les mecs vidaient les poubelles dans la cour de récréation de mes gosses, ça m'a fatigué, mais vous savez, dans l'absolu, ça se trouve, c'était des électeurs de Marine Le Pen. Hein. J'ai pas de certitude, mais j'écarte pas la piste. Vous savez, c'est le genre de mec qui oserait ça. Hein. Alors, par contre, pour revenir sur son propos, parce que c'est exact ce que tu dis, Derek, c'est que... il a dit, oui, c'est juste des cons, et des cons, il y en a partout. Ah bah, du coup, tu te demandes, s'il y a des cons, il y en a partout, pourquoi il a changé d'arrondissement à ce moment-là? C'est quelque chose dont nous n'avons pas d'explication. C'est un mystère. C'est un mystère, hein, c'est mystérieux. Hein, je veux dire, il y a des cons partout. Le mec, il dit, il y a des cons partout, il n'y a pas de raison, tu vois, de s'étonner. Il va dire, bon, voilà, ça arrive partout, etc. Bon, s'il y en a partout, pourquoi changer d'endroit? Bon, ça, c'est la complexité de la pensée juive. Hein. C'est très compliqué dans la pensée juive. Voilà, c'est bon. On sent que c'est quelqu'un qui est torturé quand même. Hein. Donc voilà. Enfin bon, il nous dit voilà, moi la guerre raciale je soutiens. La famille Assa Traoré, bon oui, Nelson Mandela, Assa Traoré, bon c'est plus ou moins pareil. Puis les blancs, il faut qu'ils payent. Hein. Et donc il dit voilà, il y a 25 ans entre, parce qu'il parle de son film d'il y a 25 ans, un quart de siècle, et il dit rien n'a changé. Donc la guerre raciale est toujours là, faire payer les blancs, c'est toujours d'actualité. Par contre, il y a plus de nègres, donc je change de quartier. C'est dans Le Parisien tout ça, hein. Je n'invente rien. Alors, question suivante. Vous avez signé en février une tribune dénonçant la sous-représentation des acteurs afro-descendants dans le cinéma français. Donc il n'y a pas assez de nègres dans le cinéma français. Oui, concède-t-il, je n'aurais pas dû. Ce n'était pas la bonne année puisque Roche Dizem a remporté le César du meilleur acteur et Les Misérables celui du meilleur film. Mais c'est un problème de manière générale. En France, contrairement aux États-Unis, on ne peut pas obliger les gens à engager d'autres parce qu'ils sont noirs. Mais l'intégration se fera de manière organique. De toute façon, la France est métissée. Les racistes ont perdu leur combat. Leur discours est obsolète. Voilà. Bon. Beaucoup de choses en quelques lignes. Alors, il dit... Je suis mal tombé parce qu'en fait cette année, non, en fait c'est des nègres qui ont raflé un truc pour un nanar qui s'appelle Les Misérables. Oui, voilà, Les Misérables, un chef-d'œuvre. Hein. Aux Oscars, oui. Ah, oui, nominé oui. Aux Oscars. Oh là, oui. Et ils avaient monté tout un pataquès avec Macron qui avait fait projeter le truc à l'Elysée. Ah oui, il avait été jusque-là, Macron. Pas... Ah ouais. Rappelle-toi que le réalisateur, c'était un type qui avait participé à une prise d'otage. Hein. Exact. Ouais. Comme le défenseur de la cause palestinienne, là, dont on vient de parler. Ouais. Bon, c'est un nègre, mais bon, oui, c'est... Bon. Pour Kassovitz, c'est un peu le même monde. Hein. Ah, c'est... Étonnamment. C'est le monde du cinéma, donc... Bah justement, vu qu'il en parle... Vas-y, Pierrot. Vu qu'on peut apparemment compter les Noirs et les Blancs, est-ce qu'on peut aussi compter les Juifs dans l'industrie cinématographique française? C'est intéressant, bon, ça, comme ça. Moi, je serais assez favorable à diversifier, effectivement, le nombre de producteurs qui ne soient pas des producteurs juifs. Oui, il faudrait vérifier qu'ils ne soient pas non plus homosexuels. Parce que, donc, tu mets la barre un peu haut. Écoute, oui... Hein. Projet France, soyons ambitieux, plus de juifs, plus d'homosexuels dans le cinéma. Oui, non, c'est... Ouais, enfin non, ça c'est plutôt le projet Bourgogne, ça, le projet France, c'est projet faisant, des nègres, des juifs partout. Oui, c'est vrai, tout à fait. Non mais voilà, bon, deuxième élément, donc, non, alors quand il se fout de la gueule du monde, quand il dit, voilà, ouais, en France, on peut pas mettre des nègres partout, tu sais, comme s'il fallait une loi, tu sais, une législation, pour forcer les juifs à mettre des nègres dans leurs films, tu vois. Non mais, l'audace de ces hébreux, quoi, Non, mais ils ont fait ça, je crois qu'ils ont fait ça aux États-Unis, apparemment, parce qu'il dit qu'aux États-Unis. Ah, bien sûr, la discrimination positive. C'est obligatoire. Oui, oui, tout à fait, les quotas. Oui. Obligé de foutre des nègres de partout. Oui, mais c'est une arnaque, parce que le mec te dit, s'il n'y a pas la loi, s'il n'y a pas une législation. Bah, ils le font, ils font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, le cinéma français, ce qu'il y a, c'est que c'est une gigantesque entreprise de recel. Des contribuables, parce que tout ce merdier est en fait c'est à blanchir du pognon, hein. C'est directement le fric de l'État. C'est pas le fric de l'État, c'est le fric des contribuables français. Ouais, c'est le fric, oui, non, tout à fait, c'est le fric des contribuables, mais c'est sous supervision de l'État qui file le blé et de manière tout à fait hasardeuse. Le blé va dans les poches des producteurs juifs. C'est ce qu'on appelle l'exception culturelle française dont nous devons être fiers. Hein, alors, le cinéma français étant tellement bon. Misérable, des nègres. Le cinéma français étant tellement bon qu'ils ont fait voter des lois avec des quotas, vous savez, pour obliger les gens à les acheter. C'est un truc de fou, mais les administrations, les diffusions, les comités d'entreprise. Enfin, ils ont créé un circuit fermé qui garantit aux juifs d'émarger systématiquement. Je trouve ça extraordinaire. Oui, ça s'appelle le juif est très friand du monopole, cher Gandalf. Oui, je sais très bien, oui. Fulbert. En fait, il faut se poser la question, à l'instar de Kassovitz, le cinéma juif est-il encore français? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est compréhensible quand même, non? Bah, c'est francophone en tout cas, c'est francophone. Non mais c'est ça, c'est vrai. Hein. C'est français dans le sens où c'est les Français qui payent. C'est d'accord. Tout. Voilà, il faut comprendre ça. Après, chers auditeurs, si vous avez parmi vos connaissances quelqu'un qui vient vous parler de l'exception culturelle française et pour vous dire que c'est bien, tabassez-le. Voilà, ça, sans plus d'explication. Alors, au RN, on est totalement passionné par l'exception culturelle française. Hein. Ah bon? Ah tiens. Bah oui, il y a marqué français, c'est l'État qui fait des quotas et tout ça, c'est payé avec l'argent qui travaille. Alors, des gens qui travaillent, pour lutter contre le cinéma scandinave. Ouais, contre l'impérialisme anglo-saxon, tu sais, avec tous ces gens très très blancs d'Hollywood, n'est-ce pas? Tu sais, tous les. Ouais. Ouais. Touchez pas. Attention, les juifs, touchez pas nos juifs à nous. Quoi. ouais, bon. C'est que ça commence quand même à. Hein, bon. Le RN qui lutte contre la transphobie aussi. Là, ah oui, peux-tu nous préciser un petit peu le. Je crois que c'est une section de la Vienne, me semble-t-il. Non, c'est le département entier quand même. Hein, oui. Oui, le département. La fédération. Fédération, voilà. Qui a fait une sortie. Ah, pas une sortie, un communiqué. Non, c'est un communiqué. Hein. Oui, un communiqué. Enfin bon, j'appelle ça une sortie, pour le coup. Mais je ne sais plus à quelle occasion, pour dénoncer la transphobie. Ouais, la transphobie. Donc, c'est-à-dire la... Et que ça n'avait pas sa... la transphobie n'avait pas sa place en France. Ouais. Bon, poubelle, hein. Marine Le Pen... Comment ça, poubelle? Comment ça, poubelle? Ouais. Bleu, blanc, rouge, machin, là, stop. Quoi. Je sais pas, il faut vivre avec son temps, non? Ouais, je sais pas. Alors justement... Parce que tu parles de RN. Alors c'était l'anniversaire de Marine Le Pen, hein, qui a déjà... Oh aujourd'hui... putain! Ouais, elle a... comment dirais-je... Non mais elle a 63 ans. Et comment ah bon dire... Oui, quelque chose comme ça, quoi. Donc pour sa 63e année... elle a, comment dirais-je, reçu les félicitations des membres de son parti. Alors j'ai regardé quand même tous les officiels du parti, hein, donc des eurodéputés, des responsables de fédérations, des élus locaux. Alors là, tu sentais, tu vois, qu'il y avait autant d'enthousiasme et de sincérité dans le mouvement. Que lorsque les officiels en Corée du Nord souhaitent bon anniversaire à Kim Jong-un, tu vois. tu vois, c'était du même ordre, tu vois. Et c'était auquel va le plus vite. Parce que, forcément, parce que t'es noté. Et c'était effrayant. Il y avait Marine Le Pen qui posait avec sur en photo sur son compte Twitter, vous avez vu ça, la photo pour ce avec un putain de chat de merde. Ah non. Ah non. Ah bon, elle posait avec sa chatte. Pas avec un chat. Non, mais c'est, avec c'est... elle posait avec une chatte. J'insiste. C'était excessivement photoshopé, parce que pour une femme de 63 ans, faut quand même non, arrêter. Elle n'a pas 63 ans. Hein? 51 ans. Non, elle a 51 ans. Oh. Oula. Elle en a 52, vrai, effectivement. Ouais. 52. Non, mais elle fait bon, c'est vrai que... Oui, elle en fait plus, c'est ce que je dis, oui. Enfin, en tout cas, sur la photo du grand emprunt national, c'est-à-dire que le nouveau truc où elle vous demande du fric qu'elle ne vous remboursera pas. Hein, comme, ah, ça, je ne sais pas. Mais je ne sais pas parce qu'elle promet un 5%, parce que si c'est le coût... Si oui, oh là, oui, oui. Oh, mais oui. Où elle a des taux comme ça oui. Où elle a des taux comme ça oui, en oui. Europe. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle ne remboursera pas, donc c'est un prêt à risque. Donc, Non, mais c'est adossé à des activités de proxénétisme, c'est pas possible. Il y a un truc. Moi, j'invite nos auditeurs à aller sur le site du Grand Emprunt National. Vous tapez Grand Emprunt National Marine Le Pen. vous allez voir. Vous regardez, à un moment donné, il y a une photo de Marine Le Pen dessus. Ouais. Vous faites un zoom dessus, et normalement, vous ne dormirez pas. Vous ne dormirez pas. Oui, je vois. Tu vois, ouais, je vois de quoi il s'agit. Bon, je vois la gueule. On va pas spoiler nos auditeurs en faisant la recherche. Elle est tendue sur le photo. C'est pas descriptible. Il faut le voir. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui provoque des insomnies. Clairement, si vous avez besoin de travailler le soir, de ne pas vous endormir, que vous avez besoin de rester éveillé, allez sur le site du Grand Emprunt National et regardez la photo de Marine Le Pen en gros plan, pendant 10 secondes. Vous ne dormirez pas. Ouais, bon, bon anniversaire, donc. Ouais. Est-ce qu'on a parlé un peu de sa purge? Je crois qu'on n'a pas parlé un petit peu de sa purge la semaine Est-ce qu'on a parlé de ça? Tiens, je me rappelle même pas. Non, je n'ai rien. Ça vous dérange pas, qu'on en dise un petit mot? Parce que vas-y, m'inspire. De toute façon, si on en a parlé, on en reparle une deuxième fois, et puis c'est tout. Hein. Voilà, Le topo, très très vite fait, c'est qu'apparemment, il y a une aile identitaire à droite. J'étais pas au courant, ça, par contre. J'étais pas. Ouais, j'étais ouais. Pas genre, c'est Gilbert Collard, quoi. Donc, ouais, c'est le Likoud. Peut-être qu'il parlait du Likoud. Oh, les un petit peu pour le Liban. Il faut pas oublier Gilbert Collard des origines libanaises, quand même. Effectivement. Non, mais c'est important de le rappeler. C'est important de souligner. Ils ont opéré apparemment une petite purge. Alors, Marine Le Pen, hein, parce qu'en fait, Marine Le Pen, son but, c'est de scotter l'incense du Front National pendant encore 20, 30 ans, 40, on sait pas trop d'ailleurs, cette momie. Tout le temps. Donc elle ne veut pas de... C'est le Reich de Milan en fait, voilà. Elle ne veut pas de concurrence, donc elle met des potiches comme ça, et puis elle vire un peu les grandes gueules. Gilbert Collard faisait un peu d'ombre, donc voilà, on met des potiches à la place. Et parce qu'en fait, sa stratégie, elle est très simple. Marine Le Pen est convaincue qu'elle est la candidate idéale pour son parti en 2022, pardon. Donc, en fait, elle ne s'est même pas posé la question. C'était déjà naturel, c'était de base. La prémisse, c'est « Ok, je vais être la candidate parce que je suis la meilleure. » Donc, du coup, j'écarte un peu la concurrence. Moi, j'ai je peur. Vous dis, 2022... 2022, 2027, 2032, Marine Le Pen sera toujours la candidate. Hein, non, il faut en finir. Ras-le-bol. Je ne suis pas un fan du Rassemblement National, encore moins la démocratie, mais il y a quand même des gens qui sont un peu plus de qualité au Rassemblement National, Bardella, Ravier par exemple, et il faut les mettre en avant plutôt que cette bonne femme, parce qu'au moins ces gens-là, encore une fois, hein, moi je ne suis pas républicain du tout, donc ça ne m'intéresse déjà, pas. Au moins, ça serait des hommes déjà. Déjà, ce serait des hommes, et au moins ils peuvent briser un peu le statu quo. Alors en bien, en mal, ça je ne sais pas, mais au moins il peut se passer quelque chose. Marine Le Pen, son but, c'est de faire du squat, en fait. C'est une antifa, Marine Le Pen. Bardella, bon... Ouais, Bardella, bof. Hein. Très bon, bof. Hein. C'est bof. C'est vrai que c'est assez transparent. Voilà, bon... C'est pas un garçon méchant. Hein. Bon, voilà, on voit bien qu'il est pas méchant. Mais en fait, on voit qu'il a pas de caractère, en fait. C'est ça qui transparaît, quoi. Il a pas vraiment de... Il a pas beaucoup d'énergie. Mais il est pas... je veux dire, non plus... incompétent. Non, mais je crois d'ailleurs que ce sont des... Enfin, il me semble que ce, comme il a purgé les remplaçants, ce sont des proches à lui qui. Au moins une proche à lui qui a été promue. Ouais. Donc... Bah, le problème, c'est que Bardella. Une en fait, juive. Bardella ne vient pas, en fait, de la tendance identitaire. Même s'il vient d'Île-de-France, je veux dire, bon. Je veux dire, même quand t'es Rassemblement National en Ile-de-France, t'es quand même cerné par les bougnoules. Bon, je pense que quand même, bon, ça te quand même prédispose, voilà. Mais c'est vrai qu'il vient pas de, il vient pas de la partie la plus intéressante du mouvement, on va dire oui. Nationaliste en général. Donc la partie intéressante du RN, c'était Ravier, clairement, et la comment dire celle qui occupait la mairie en intérim quand lui était au Sénat du coup donc là qui est plus maire parce qu'il a perdu ouais. a été éjecté des instances de oui, nomination voilà. Des candidats en région PACA donc c'est à dire que en région PACA nous allons voir la Gay Pride qui va arriver pour perdre hein, parce que ces gens-là ne sont pas enfin, ou alors pour oui, non, mais la logique, quelques la logique, places la, mais perdre la logique c'est perdre et se occuper le terrain. Ouais. Pour faire des soirées rom avec les Antillais, puis et puis aller s'enculer entre sodomites parce que ce parti-là est une loge homosexuelle. Voilà, il faut le dire. Bah moi je faisais observer ça à un collègue récemment. Je dis mais pourquoi les homosexuels n'auraient pas le droit à un parti? Bah, ils l'ont. Bah justement. c'est au bout d'un moment voilà ça il en faut bien un. Bon, bah, ils l'ont trouvé, c'est le RN, quoi. Donc voilà, donc du coup, ils purgent... En fait, je pense que la purge en question s'explique essentiellement par la peur de Marine Le Pen de voir, après son échec en 2022, de voir des voix monter à l'intérieur du parti en disant, voilà, bon, il est temps de tourner la page, Marion Maréchal, et allons-y, il est temps d'eux, etc. Voilà. La nouvelle Jeanne. Voilà, donc en fait, elle a coupé toutes les têtes de tous ceux qui pourraient éventuellement s'amuser à essayer de porter ça au sein des instances de ce parti et voilà ceci étant dit bon je préfère Marine Le Pen à Marion Maréchal Le Pen je vous le dis hein bien sûr. Parce qu'en fait en dépit de tous les défauts de Marine Le Pen finalement elle a plus d'indépendance paradoxalement que Marion Maréchal, qui, elle, en réalité, doit tout aux Juifs. Bah, elle est calibrée. On va en parler un petit peu plus tard, je pense, peut-être sur le Liban, mais... bon, ouais. Voilà, ouais, puis non, elle est prédestinée et tout, mais... Je veux dire, Marine Le Pen fait des concessions, etc., mais elle a un nom, elle a un branding, elle s'est forgée quand même... parce que le principe de dédiabolisation suppose d'aller à la confrontation, ça suppose... Je suis contre la dédiabolisation, bien sûr. Mais ça suppose quand même d'aller à la confrontation pour prouver aux autres que, voilà, vous n'êtes pas exactement le monstre qu'on a décrit, etc. Alors, même si vous donnez des gages, vous devez quand même prendre des coups, vous devez échanger, etc. Et ça suppose une forme d'affirmation. Une affirmation dans la soumission, mais une affirmation quand même. Je sais que c'est assez paradoxal, mais c'est vrai. Alors que Marion Maréchal, elle, dès le départ... tout est ratifié de l'origine, c'est-à-dire Israël à gogo, je passe tous les détails, on a suffisamment commenté ça, mais alors là, il y a aucune espèce de tentative de résistance, il y a rien, c'est tout est validé, quoi, hein, tout est validé. Bon, et aussi, je pense que paradoxalement, là encore, Marine Le Pen, du fait que ce soit une femme de gauche. Ne suivra jamais totalement une pente bourgeoise, la bourgeoisie étant totalement cornaquée par les Levandins, les Juifs. Donc il y aura une espèce d'instinct comme ça, populacier chez elle, un peu son caractère un petit peu de tenancière de PMU, qui fait que, sans vous, c'est pas qu'elle a une opposition de principe, mais il y a quelque chose qui freine. Je sais pas comment dire, ou qui va pas assez vite, disons. C'est pas que ça freine, ça va pas assez vite. Alors qu'avec Marion Maréchal Le Pen, bon, on sait que voilà, enfin, c'est franchement bon. Marine Le Pen rêverait d'aller à Yad Vashem et tout, hein, ça c'est clair. Hein, je veux dire, ouais. Elle veut y aller, il y a pas de problème, elle veut se normaliser, etc. Mais comparativement à Marion Maréchal, ça, on aurait l'impression d'avoir un vrai leader d'extrême droite, quoi. Vraiment. En pratique, je pense que ça... Ouais. totalement. D'ailleurs, c'est bizarre, je m'interroge comment ça se fait que Marion Maréchal n'ait pas encore fait un tour en Israël, je suis assez étonné. Je suis surpris. Oh, ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder, je pense. Hein. Oui, mais Marine Le Pen, pour moi, est là pour son intérêt, c'est-à-dire elle joue pour garder son train de vie, garder sa cour. Ouais. Pour le coup, c'est ce qu'on appelle vraiment l'opposition contrôlée, quoi. Oui, c'est l'opposition contrôlée, mais sans but particulier que l'autre. Bon, Marion Maréchal, clairement, répète les éléments de langage qui sont les éléments de langage de la pince droite de la tenaille juive. Hein, tout à fait, oui. Oui. Non, mais en plus, je pense vraiment que c'est un agent israélien. Je pense. C'est très, très probable. Oui, je pense. Hein, je veux dire, c'est quelqu'un qui est briefé. Hein. Ah oui, non, c'est pas juste. Ah oui, voilà, elle a de la sympathie. Non, c'est plus ou moins une secrétaire du Likoud. Hein. On va en parler sur le Liban. Mais oui, la sortie qu'elle a faite, c'est vrai que c'est bon. Il y a des éléments de langage, hein, on va dire. Il y a des éléments de langage. Alors bon, Kassovitz, donc pour en revenir à lui, a décrété, hein, voilà, la race blanche est finie en France. C'est ce qu'il dit. Il y prend sa part d'ailleurs, hein, il dit voilà, hein, activisme, je suis présent. Et il conclut. Alors, vous avez envie de faire quoi aujourd'hui? Ça c'est le Parisien qui lui demande. Il répond, rien, je suis ravi. J'ai envie de m'occuper de mes enfants, de mes chiens, de faire de la boxe, et allez tous niquer vos mères. Une pratique, ma foi, fort répandue au sein de ce peuple. Oui, en fait, ce qu'il veut nous dire, c'est qu'il va probablement se tourner vers les études de Torah. En fait. Oui. Voilà, va retourner un petit peu aux origines. Un petit peu comme Emmanuel Lévinas. Ça, voilà, c'est une constante. Hein. Benny Lévy, toute une série comme ça. Oui, hein, des gens comme ça, hein, qui viennent de la gauche radicale, et puis qui finissent avec... un Talmud, donc, dans les mains. Alors, merci à Kassovitz, hein, de nous avoir mis quatre sur table. Hein, voilà, donc, le militantisme juif pour détruire les Français de souche sur leur pays en déclenchant une guerre raciale par tous les moyens possibles. Bien. Ça a très longtemps été une théorie de l'extrême droite. Je suis quand même content que Kassovitz la valide. Donc, oui, alors le remplacement de population aussi, c'est une théorie conspirationniste, hein, rappelez-vous. Oui, d'extrême droite et néo-nazi. C'est complotiste, enfin, c'est débile parce que c'est fait par ces néo-nazis qui sont complètement... Ce sont des gens qui n'ont pas de cerveau. Mais ça c'est valide que quand on se dit, tiens, là il y a assez de nègres, donc on peut dire, bon ben... On vous a bien niqué, hein. Voilà. On vous a bien niqué, puis on l'écrit dans les journaux, tu vois. Ouais. C'est pour dire que bon, les nazis ils avaient tort, hein. les antisémites, oui. Et tout, ils avaient bien tort de dire que tiens les juifs, etc. D'accord, ok. C'est cette formidable capacité dont je parlais un petit peu plus tôt avec le cas de notre preneur d'otage maghrébin d'avoir deux opinions sur un même fait, en fait, chez les sémites. C'est tout à fait particulier. C'est tout à fait particulier. J'espère que nos auditeurs l'enregistrent, hein, le comprennent. Hein. Voilà, ce que pensent les juifs de quelque chose n'a rien à voir avec ce qu'ils disent de quelque chose. D'accord ? Ce sont deux choses très différentes. Voilà, donc ça vous donnera du grain à moudre, d'ailleurs, en termes de réflexion sur la question de l'Holocauste, hein, si... Par hasard, vous êtes encore si vous adhérez encore donc à cette théorie bizarre théorie conspirationniste. Voilà. C'est... Bien. Par contre, le comment dirais-je, le racisme blanc systémique, c'est pas du tout une théorie de la conspiration. Hein. Non, bien sûr. Alors, messieurs, comment dire. Oui, bah, on va rester un peu sur les juifs, là, c'est des nouvelles intéressantes. Je vous lis ça, c'est Lorient Le Jour qui nous parle justement des juifs en France, qui bon, ils nous ont expliqué par la voix de Kassovitz et de tant d'autres, hein, quel type de France ils souhaitaient voir émerger au fil des décennies. Je n'ai pas besoin d'y revenir. Et maintenant que c'est fait, eh bien, ils ont de nouveaux projets. Et le journal libanais L'Orient le Jour, vous allez voir, ça va faire le lien, nous dit plus à propos de ces projets nourris par les Juifs en France. Alors, le titre de l'article s'intitule « Israël se prépare à une vague d'immigration juive post-corona ». Le Français Dan Bokobza songeait encore à la possibilité de faire son aliyah, mais la pandémie de Covid-19 a fini par le convaincre. Il a déposé une demande d'immigration auprès des autorités israéliennes qui se préparent aujourd'hui pour une nouvelle vague d'immigration juive post-corona. Entrepreneur à Strasbourg, dans l'est de la France, et père de 7 enfants, Dan Bokobza jonglait avec l'idée de faire son aliyah, littéralement son ascension en Terre Sainte. Et puis, il y a eu la pandémie. En France, pays de 65 millions d'habitants, 67 exactement, le virus a fauché plus de 29 000 personnes, et la communauté juive a été particulièrement touchée, selon des organisations locales. Avec ses 9 millions d'habitants, Israël a réussi, du moins jusqu'à présent, à endiguer la pandémie, les autorités dénombrant 301 morts, soit un ratio de morts 13 fois inférieur. La mauvaise gestion en France face au Covid-19 a joué, mais surtout le fait de sentir que soudain les portes s'étaient fermées, explique au téléphone M. Bokobza à propos de la fermeture des frontières israéliennes pendant plusieurs mois. On a toujours voulu partir, Israël était une destination possible, mais la crise nous a mis face à une situation inédite, celle de ne plus pouvoir voyager car les portes étaient fermées. Ça a été une vraie claque, explique-t-il. Antisémitisme, crise économique, idéologie religieuse ou sioniste, autant de motifs poussant jusque-là des Juifs à émigrer en Israël. Aujourd'hui, c'est la peur du Covid-19, apparemment, qui pourrait aussi les encourager à le faire. Lors d'une réunion mardi au Parlement israélien, des responsables de l'Alia ont exigé des budgets plus conséquents pour faire face à une vague d'immigration massive. Avant la crise, nous n'avions pas assez d'argent et là, nous avons de plus en plus de demandes d'ouverture de dossiers, souligne Neta Briskin-Peleg, responsable de Native, un organisme d'État chargé de vérifier la validité des demandes d'Alia en provenance des pays d'ex-URSS. Validité qui est strictement subordonnée sur l'origine raciale, je tiens à le souligner. Selon Shea Felber, cadre de l'Agence juive, l'organisation paragouvernementale chargée de l'immigration juive, il y a 3 fois plus de demandes d'Alia de France depuis la crise du corona. Selon des chiffres officiels, environ 700 dossiers ont été ouverts en mai 2020 contre 130 en mai 2019 dans les bureaux de l'Agence juive, pays qui avait fourni un contingent record, 7900 en 2015. Année des attentats du Bataclan, de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. Les effets de la crise du coronavirus sont sûrement plus forts pour les Juifs de France que ceux qui ont suivi les attentats de 2015, pense Ariel Kandel, directeur de Qualita, association d'aide à l'intégration des Juifs de France et des pays francophones. Toute personne juive ainsi que des enfants et petits-enfants de juifs peuvent bénéficier de la loi du retour et obtenir automatiquement la nationalité israélienne. D'ici à la fin 2021, nous attendons à l'arrivée de 90 000 personnes contre 35 463 en 2019. A pronostiqué mercredi au Parlement la nouvelle ministre de l'immigration, Pnina Tamano-Shatta. Le plus grand réservoir de candidats potentiels pour l'Alia est aux États-Unis, où vit la plus grande communauté juive hors d'Israël au monde. Or, les États-Unis ont été particulièrement touchés par le nouveau coronavirus. Selon Ronan Foxman, membre de l'association Nefesh Benefesh, qui s'occupe, c'est Benefesh, hein, pas Bénéfice, hein, c'est pour ceux qui pourraient se tromper, donc qui s'occupe de l'émigration vers Israël des Juifs d'Amérique du Nord et de Grande-Bretagne, les demandes d'Alia en provenance de ces pays ont augmenté de 400% ces derniers mois, mais l'absence de reconnaissance et d'équivalence en Israël de certains diplômes est un handicap sérieux à l'immigration, souligne-t-il. Une opinion partagée par Ariel Kandel, qui préconise notamment un allègement du processus d'équivalence de diplômes et davantage d'aide pour les candidats à l'Alia. Sans budget de l'État, ces gens ne pourront pas venir, dit-il. En pleine crise économique liée à la pandémie, le gouvernement israélien doit voter sous peu son budget. Le ministre de la Diaspora, Omer Yankelevitch, a plaidé pour un engagement clair des autorités. « Nous devons dire aux Juifs de la Diaspora que nous sommes avec eux dans ces moments critiques quand les communautés juives sont en détresse à cause du coronavirus. » Alors, messieurs, la France est donc le pays qui va probablement, proportionnellement, connaître le plus de départs d'Hébreux à destination de l'État d'Israël, pour ne citer que cet État. Est-ce que ça attire chez vous des remarques ou des réflexions? Qu'est-ce que vous voulez en dire, hein? Le juif de Strasbourg cité nous a dit, hein, voilà, quand les frontières se sont fermées, ça a été une claque, hein, j'ai eu l'impression d'étouffer. Oui. Rester avec des Français au secours, j'ai très peur. C'est curieux comme réflexe. Hein. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez dire de ça? Bah je pense qu'il a, il a perçu que les frontières pourraient se fermer, se refermer, rester fermées plus longtemps. Et ce qui va dans l'idée d'en faire concentrationnaire qui est celui des Français. Donc il ne veut peut-être pas participer à ça et se barrer avant. Hein. Bon, avant que la chasse aux blancs soit ouverte. En tout cas, que le niveau au-dessus soit enclenché. Ce monsieur a visiblement envie de mettre son capital et sa famille à l'abri. Visiblement. Qui d'autre là-dessus? Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur ces juifs, hein, qui étaient super français, hein, qui voulaient, comme Kassovitz, hein, qui veulent changer la société française, hein, qui veulent la modifier parce qu'ils sont légitimes à le faire, hein, ils ont l'autorité, ils ont le moral, etc. Ils nous le disent, hein, par toutes leurs associations, toutes leurs figures publiques, etc. C'est des gens qui pensent devoir transformer la France, et puis bizarrement, ils se cassent aussi vite qu'ils viennent, en fait. C'est bizarre, non? Moi, je trouve ça curieux. Pierrot, peut-être, ou Fulbert? Ouais, les rats quittent le navire, hein, les rats, pour le coup. Hein. Très bien. S'ils pouvaient partir un peu plus vite et emmener leurs petits copains, pourquoi pas. Hein. Je vais finir par devenir très sioniste, finalement. Hein. Moi non, je pense qu'il faudrait fermer les frontières effectivement et puis commencer à négocier effectivement, parce que je pense que nous avons une formidable arme de négociation entre les mains mais qui est trop peu exploitée. Alors messieurs, puisque nous sommes donc sur l'Orient le jour et que nous sommes sur le Liban et que bon, ça, c'est frais dans l'actualité, on va peut-être terminer là-dessus. Alors avant de commencer simplement... La visite de Macron, bon, les faits en eux-mêmes, je ne vais pas y revenir, attentat, pas attentat, voilà, bon, là, ça, c'est des supputations à n'en plus finir. Simplement, Macron se rend sur place, qu'est-ce que vous voulez en dire? Derek m'a fait remarquer avant l'émission un truc très marrant, c'est que, en fait, le Liban a l'air bien plus français, le Liban du Sud, donc le vrai Liban, a l'air bien plus français que le Liban du Nord, à savoir la France, quoi. C'est vrai qu'ils n'ont pas de nègres là-haut. Et bon, il y a des Arabes, mais racialement, limite, on respire au Liban, quoi. Macron est allé au Liban de suite, Oui, il s'est précipité, ça a été très très rapide. Explosion. Hein. Ouais, il s'est précipité, alors bon, il y a des moyens, tout d'un coup, que la France doit mettre en action. Je découvre que dans un pays... où on n'arrive pas à payer les retraites parce qu'on fait venir des nègres pour les payer parce que les boomers n'ont pas fait d'enfants, ouais. On a de l'argent à donner à un timbre-poste du Moyen-Orient. Hein, donc, oui, alors le pays en question, c'est 5 millions d'habitants, il faut comprendre ça. Hein, juste pour décrire, hein, 5 millions d'habitants, c'est pas très grand en superficie. Il y a 17 confessions. Différentes, je ne parle même pas des ethnies, hein. Sur le mythe de la francophonie, bon, sachez qu'au quotidien, il y a 20% de personnes au Liban qui parlent français, qui utilisent le français quotidiennement, donc c'est-à-dire 1 million de personnes. Donc, quand vous regardez les médias français, parce que moi je lis la presse française, hein, bien sûr, donc le journal de référence, entre guillemets, qui est le journal Le Monde, qui est une propriété d'ailleurs de banquiers juifs, hein. Tout ça est vérifiable, hein, si vous ne croyez pas, allez voir. Et on nous explique que le Liban, enfin je veux dire, que ferait la France sans le Liban, et vice-versa. Enfin, c'est une histoire, soudainement, c'est une histoire, on n'en parlait pas il y a une semaine, maintenant, c'est comme Marseille, c'est Bordeaux, c'est le même pays, quoi. Non, en pratique, c'est comme tu l'as bien décrit, un timbre-poste, proche-oriental, un non-État, d'accord, il n'y a pas d'État au Liban, où il y a des quantités d'acteurs politiques, religieux, j'en passe, et des meilleurs, des intrigues à ne plus savoir qu'en foutre, où se trouve 1 million de personnes qui parlent français quotidiennement. Bon, en Algérie aussi, des gens parlent français, au Maroc aussi, des gens parlent français, au Congo même, des gens parlent français, au Gabon également, et même au Québec. Et on en parle assez peu, finalement, du Québec. Ouais, mais... Ouais. Mais ils sont un peu blancs. Pas, oui, c'est un peu trop... Ouais. Oui. Et puis c'est au nord. Raciste. C'est pas... Donc il y a une passion soudaine, si vous voulez. Non, mais vraiment, comparons ça. Ça, c'est deux exemples formidables, quoi. Je veux dire, comparons le traitement médiatique, l'intérêt médiatique des médias parisiens pour le Québec avec l'intérêt médiatique pour le Liban. En sachant que sur place, je le répète, il y a 1 million de mecs qui baragouinent vaguement en français, quand ils parlent pas en arabe, etc. Bon, on nous dit, ça c'est le futur, voilà, c'est incontournable, la France, la mission, le truc. Ça a été présenté en tout cas comme ça, et c'est comme ça que Macron a justifié son déplacement. Vas-y, Pierrot. Il faut absolument, si jamais vous connaissez pas ce sketch ultra connu, que vous consultiez le sketch des inconnus oui. sur le Liban. Parce qu'en fait, ça résume tout. Vous avez vu ça, vous avez tout compris. Merci Jean-Loup. Alors, on va aller quand même jeter un coup d'œil du côté de l'Extrême-Orient pour clarifier la situation avec Régis Virieux. Vous pouvez nous expliquer ça en 2 coups de cuillère à peau. Oui, en effet, Guillaume. Je me suis entretenu avec le haut responsable sunnite de Beyrouth Est et il ressort que la situation maintenant est fort claire. En effet, si les maronites modérés du sud Liban redonnent aux alaouites du mouvement dur le contrôle du nord de Beyrouth Ouest, ils ne s'opposeront pas à ce que les chiites Amal demeurent à l'extrême est de Beyrouth Sud. Reste à savoir toutefois ce que les Kurdes du mouvement Kahal feront avec ou sans l'aide des Moudjahidines sunnites du clan Afat. Cela dit, si les Tamouls de Palestine restent neutres, et surtout si les Ashkénazes bouddhistes des territoires occupés demeurent divisés, on ne voit vraiment pas comment les calvinistes musulmans du Cheikh Habib pourraient empêcher les intégristes luthériens de l'imam Choubtar d'étouffer dans l'œuf l'intifada des Amish séfarades de la bande sud-est du nord-ouest de la banlieue de Beyrouth centre, périphérique, intérieur compris. Allons-nous vers une solution au conflit? Nous sommes maintenant en droit de l'espérer, Guillaume. Ok, merci Régis, on se retrouve tout à l'heure. Et ce truc-là, ça n'existe pas en fait. Le Liban n'existe pas. Moi, je suis un négationniste du Liban. C'est un foutoir. On fait le pari, là. Dans 20 ans, on reparle du Liban. Ça sera toujours aussi insoluble. Hein. C'est foutu. Hein. Et par contre, dans 20 ans, peut-être que la France sera devenue le Liban. Ça, c'est un autre sujet. Bah, c'est exactement ça. Ouais, c'est un pays qui est en guerre depuis les années 90, début 90. En fait, là il n'est pas en guerre chaude. Mais ah non, il n'est pas en guerre parce que les types, les types sont tellement ruinés qu'ils n'en peuvent plus. Tu as un président chrétien qui gouverne avec. Une alliance avec alors, les Hezbollah. J'explique ça pour ceux qui veulent comprendre simplement. Des sunnites qui sont là au milieu, Hariri, etc. Simplement, j'explique le truc. C'est un non-État. Ça veut dire qu'en fait, les élections, enfin, c'est de l'ethno-mathématique comme le qualifie. Les équilibres tribaux. Voilà, Bernard Lugan, quand il parle de l'Afrique, il dit voilà, la Côte d'Ivoire, c'est de l'ethno-mathématique. Vous comptez le nombre d'individus par groupe ethnique et vous avez exactement le nombre de personnes qui vont voter pour tel candidat de ce groupe ethnique et au final vous avez le résultat de l'élection présidentielle. Donc, comme le dit très bien Bernard Lugan dans ses vidéos, ses ouvrages, quand il parle de ces non-États africains, ce sont des impossibilités étatiques et qui ne peuvent que devenir des potentats. C'est-à-dire que ça ne peut être que des États autoritaires, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un groupe ethnique qui va sécréter qui est plus fort pour plein de raisons, ils sont plus combatifs, plus intelligents, je ne sais. Ils prennent l'ascendant sur les autres groupes et ils tiennent le pays en son entier. Mais les créations coloniales dont on parle, et le Liban bien sûr en fait partie, n'ont aucune espèce de cohérence, ni au plan linguistique, ni au plan religieux, ni au plan ethnique. Enfin, ce sont des aberrations, si vous voulez. Mais l'État français y tient beaucoup à cause de son legs colonial. Surtout que, et je ne vous apprends rien, l'État français est consubstantiellement jacobin. Comprenez qu'il est consubstantiellement antiraciste, c'est-à-dire qu'il nie les réalités humaines, organiques. D'accord ? Donc les ethnies, ça n'existe pas. c'est l'égalitarisme le plus pur. Donc 1 plus 1, ça fait 2. Donc un nègre plus un blanc, ça fait 2 aussi. Donc ces gens-là, donc au Quai d'Orsay, ils tiennent beaucoup à leur petite création coloniale parce que ça leur permet de défier les lois de la pesanteur. Donc, vous avez bien compris, les déterminismes raciaux et ethniques. Mais ça c'est le petit snobisme du Quai d'Orsay et des élites françaises en général. Ils adorent ça. Essayer de prouver qu'on peut faire remonter un fleuve dans le sens inverse. Ça, c'est leur grand truc. Ça, c'est comme le creuset républicain. Tout à fait. Pour ça qu'ils tiennent beaucoup au Liban. Et j'ai d'ailleurs constaté avec Castaner qui a fait une réaction là-dessus. Ah, en parlant du Liban, hein, attention. Donc l'ancien ministre de l'Intérieur français, il y a encore un mois et demi. D'accord. Donc, pas il y a 15 ans, pas il y a 20 ans. Hein. Il a qualifié le Liban de modèle de justice et de vivre ensemble. Alors, modèle de pluralité et de vivre ensemble. Modèle de pluralité. Modèle. Alors, Liban, pays où... pays modèle, exemplaire, donc il faudrait recopier. Tu as des où les types se font sauter à coups de mine. Hein, et on mine les convois routiers pour faire sauter les opposants politiques. C'est en guerre depuis 30 ans. Plus que ça, c'est en guerre depuis les années 70. Même avant. Oui, tout à fait. Mais bon, il y a la période de guerre chaude et la période de guerre froide. Donc là, depuis une trentaine d'années, on est dans une période de guerre froide, en fait. Ouais, entre les différents groupes. Dans un pays de 5 millions d'habitants. Non, mais j'insiste. Dans un pays sur de 5 millions d'habitants. Sur un timbre poste, tu as des types qui font que se foutre sur la gueule. C'est un coupe-gorge, les types se tuent entre eux. L'économie est ruinée, c'est-à-dire qu'ils ont fait une dévaluation là en début d'année. La monnaie a perdu, je crois, la moitié de sa valeur ou plus. Comme ça, du jour au lendemain, avec ce que tu gagnes par mois, tu pourras acheter deux fois moins. Merci. Donc c'est un modèle. C'est un modèle. Et c'est vrai que quand tu as des êtres humains qui vivent avec des Arabes et des Nègres, oui, c'est, effectivement, le Liban peut être un modèle. La France, effectivement, a une certaine créativité par rapport au Liban, c'est qu'elle a la variable nègre en plus. Oui, tu as tout à fait raison de le souligner, c'est-à-dire que le Liban est un pays qui est plus blanc que la France. Ouais, le Liban est un pays plus blanc que la France, c'est quand même extraordinaire, hein, c'est un pays européen, mais le Liban est plus blanc que la France, puisque fatalement il y a moins de nègres dessus, enfin il n'y en a quasiment pas, je pense. Les seuls nègres qu'ils peuvent avoir, c'est ceux qu'ils ramènent, les Libanais aussi ont une énorme diaspora en Afrique. Et d'expérience, je peux vous dire qu'ils les traitent comme des esclaves. Hein. Ils gardent les passeports, etc. Et peut-être en ramènent le titre de 3 par-ci par-là. Mais ça ne pollue pas racialement au niveau du pays. Alors, comment dire je veux m'arrêter sur le propos de Castaner, parce que je vais reprendre son terme exact, je vais prendre sa déclaration tout à fait précise. Bon. Bah, je l'ai, attends, bouge pas. Ouais, vas-y. Je souhaite exprimer mon émotion dans ce contexte déjà si difficile pour ce pays. Les liens qui unissent la France au Liban sont solides et anciens. Notre histoire commune, le juste modèle de pluralité et de vivre ensemble, appelle notre soutien. Bon, c'est pas très français comme truc, c'est écrit avec les pieds. Donc c'est modèle de pluralité, de vivre pluralité ensemble. Pluralité et de vivre ensemble. Ok, alors donc là, si vous voulez, donc le ministre de l'Intérieur français. Il y a encore 6 semaines. On regarde le Liban, la situation libanaise, et qu'est-ce qu'il en conclut ? Qu'est-ce que lui voit ? Donc, qu'est-ce que lui, ses anciens collaborateurs voient ? Qu'est-ce que les élites politiques françaises voient ? Elles voient un juste modèle de pluralité de vivre ensemble. Donc pour eux, ça fonctionne, ça marche. Le Liban, c'est quelque chose qui a prouvé son efficacité. Ça, c'est leur analyse de la situation. Or, toute personne, un tant soit peu rationnelle, et de bonne foi, constatera précisément l'inverse. Le Liban est par essence ce qui démontre qu'une société ne peut pas être précisément plurielle au sens ethnique et confessionnel du terme, mais surtout au sens ethnique, et qu'elle se transforme et qu'elle traduit l'impossibilité du vivre ensemble. En fait, je trouve que c'est un formidable aveu, en fait, ce que fait Castaner. Mais c'est un double aveu, c'est-à-dire que c'est l'aveu que ce qu'il considère comme fonctionner ne fonctionne pas, et deuxièmement, ce qu'il considère comme être un modèle, donc qui a vocation à être répliqué. Or, intéressons-nous un petit peu à la répartition des pouvoirs au Liban. Je sais que tous ceux qui nous écoutent ne sont pas intéressés par la politique interne du Liban. Moi, le premier, d'ailleurs. Ce qui fait le lien avec ce que disait Pierrot, avec le sketch des Inconnus, qui explique en fait que c'est un bourbier incompréhensible avec des tas de tribus qui se foutent sur la gueule. Mais il y a quand même, dans la répartition des pouvoirs, un truc assez simple à comprendre que nos auditeurs comprendront très très bien. Le président doit être chrétien. Donc la répartition des pouvoirs, elle est d'abord strictement déterminée par l'appartenance confessionnelle. D'accord. Intéressant, puisque en France, Castaner nous chante les louanges de l'indifférentisme ethno-confessionnel. Hein, je veux dire, tout le monde il est pareil, il n'y a pas de différence, etc. Au Liban, c'est exactement l'inverse. Vous êtes assigné dans une case politique en fonction de votre affiliation religieuse, pour ne parler que de cette affiliation. Le président doit être chrétien, le premier ministre doit être sunnite, c'est ça Pierrot ? C'est ça. Et le président de l'Assemblée nationale doit être chiite. Et il représente en fait le Hezbollah, et qui est un mouvement qui est plutôt proche de l'Iran, même si on ne peut pas le résumer simplement à un mouvement contrôlé par l'Iran. C'est un peu plus complexe que ça. Bref, c'est strictement partitionné, compartimenté. Il n'y a pas de possibilité de mouvement à l'intérieur du système politique. Ça, c'est la guerre froide. C'est comme du temps de la guerre froide entre le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest capitaliste, le bloc de l'Est communiste. Les périmètres sont strictement définis. Il est hors de question de piétiner sur les plates-bandes du voisin. Quand ça se passait, quand du temps de la guerre froide, un camp essayait de piétiner sur le périmètre du voisin, ça donnait un conflit secondaire type Vietnam et combien d'autres, Afghanistan, etc. Donc, c'est très intéressant que Castaner dise « ça, c'est le modèle qui marche ». Et moi, je me pose la question, est-ce qu'il n'est pas tout simplement en train de nous annoncer le futur modèle français ? Moi, je pense que si. Moi, je pense que si. Quand on regarde l'attitude de Castaner quand il était au ministère de l'Intérieur, mais je dis pas que c'est Castaner comme individu, je dis Castaner... Bon, on a déjà eu un président juif. Hein. Oui, enfin, quart de juif, c'est vrai, c'était déjà trop, mais comment dire, ça traduit quand même une approche qui est une approche clientéliste fondée sur l'ethnie, l'appartenance raciale, etc. Ce qui tranche complètement avec ce qu'ils disent en public. Donc, ce qu'a dit Castaner là-dessus, c'est très très très très intéressant. C'est très intéressant. Ça dit beaucoup de choses. Sur ce que pensent les élites de ce pays, sur ce que pensent les élites de la France. Maintenant, Macron s'est précipité là-bas. Alors ça, c'est... Ouais, ça, c'est l'autre point. Voilà, il y a eu une explosion. Bon. Je vais pas revenir sur l'explosion. Il y a des gens qui disent, oui, c'est un attentat. Et c'est... Bon, peut-être, c'est possible. Je l'écarte pas. Ceci étant dit... Bon, les bougnoules accumulaient de l'ammonium en quantité astronomique dans un entrepôt avec les portes ouvertes. Ça a pété. Bon, même si c'est un attentat, je veux dire, ils ont tout fait pour que ça arrive. Hein, parce que avec aussi peu de mesures de précaution autour de ce type de site, bon, c'est... Voilà. En tout cas, c'est pas structurant comme attentat, si c'est un attentat. Au sens, je veux dire, c'est un attentat ou un accident industriel qui vise une infrastructure. Sauf que cette infrastructure, c'est le port. Alors le port, évidemment, c'est par là où arrivent les denrées. Hein. Donc déjà, ça permet peut-être aussi de restreindre un certain nombre de choses qui arrivent au Liban. Et qu'est-ce qu'arrive faire Macron sur place ? En jouant le sauveur, hein. Mais il n'a pas joué le sauveur n'importe où. Hein. Il est allé dans certains quartiers, c'est-à-dire peupler certains... C'est celle-là que vous voyez tous ces faux culs. Quand Macron se balade en France... Les gens croient qu'ils considèrent tout le monde à égalité, parce que c'est comme ça qu'ils parlent, ces enculés de politiciens. Ils disent aux gens, ils disent aux Français, ouais, là, mais black, blanc, beurre, on est tous égaux, etc. Sauf que quand vous regardez leur attitude politique, ils font du strict clientélisme ethno-racial. Ce sont des gens qui connaissent parfaitement l'existence des races, l'existence des ethnies, l'existence des groupes religieux, et qui les courtisent pour parvenir au pouvoir. Ça, c'est la réalité. Ça marche pour les juifs comme les musulmans et tous les autres groupes raciaux. En France, les politiciens sont parfaitement au courant des mécanismes ethno-raciaux. Ils les comprennent, ils les utilisent. En public, ils professent contre uniquement pour diaboliser les Blancs qui voudraient le faire. Donc, encore une fois, on a la dernière roue du carrosse. Quand ils vont au Liban, comme Macron, rebelote. Et c'est exactement comme quand Macron était à Chambord, là, en train de faire le malin, à jouer au foot, là, avec des jeunes, voilà, avec des nègres, hein, bon, c'est pas grave. Il va au Liban, il va pas n'importe où au Liban. Il va pas dans les quartiers tenus par le Hezbollah, il va pas chez les chiites. Il va chez des chrétiens francophones, et encore anglophones de plus en plus, visiblement, parce qu'il s'est fait quasiment engueuler par une espèce de mouquère dégueulasse à gueule de semi-pakistanaise, en train de lui dire « qu'est-ce que vous foutez les Français, qu'est-ce que vous attendez pour casquer et nous filer l'électricité, quoi, en gros, quoi ». C'était ahurissant comme scène, quoi. Et Macron est en train de jouer le gros malin au milieu de tout ça. Donc il n'y est pas allé par hasard et il n'est pas allé au petit bonheur la chance dans tel ou tel endroit. Ça a été strictement balisé. Donc il y a une exploitation de cet attentat ou de cet accident et il a délivré un message. Et ce message, il est très révélateur. Il dit, bon, ouais, nous, moi en tant que président français, j'investis du cash, j'arrive avec du pognon. On vous donne du blé. Mais par contre, attention, il y a des conditions. Et là, les réactions sur Internet sont extrêmement intéressantes, notamment sur Twitter. Parce que c'est très curieux quand même quand il y a un pays qui est sinistré, etc. Voilà. Bon, si jamais c'était le cœur qui parlait, vous arrivez, vous dites, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? C'est quoi, réparer une infrastructure? Vous avez besoin de quoi, en fait? Macron, il n'a pas dit ça. Il a dit, voilà, on va vous aider. Bon, mais attention, il y a des conditions. C'est bizarre, quand même. Comme attitude. Pourquoi avoir des conditions quand vous l'aidez quelqu'un? C'est quand il y a quelqu'un au bord de la route, vous le trouvez accidenté, vous l'aidez. Vous dites pas, attends, je t'aide. Ah ouais, je t'aide. Ah ouais, mais je t'aide. Mais attention, hein, il y a une condition. C'est curieux, n'est-ce pas? Or, il a dit, voilà, une condition, et tout d'un coup, il commence à énoncer, voilà, alors il va falloir faire des réformes. Va falloir changer ci, ça, ce, le rapport de force politique, etc. Et là, vous dites, attendez, c'est quoi? C'est un coup d'État, là? Et effectivement, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État français au Liban, oui. Non, c'est pas français. C'est pas français. Bien sûr que c'est pas français, je sais bien. Non, mais oui. Alors, je vous donne des exemples, et aussi pour nos auditeurs, pour qu'ils sachent qui c'est qui donne vraiment les ordres. Donc, les Juifs ne veulent pas agir directement en leur nom au Liban. Macron, bon, alors je vous donne, bon, brièvement, c'est quoi le but du Quai d'Orsay et de Macron? Macron, il veut juste briller. Macron est un pan. Parfaitement creux, qui fait des phrases, etc., mais qui n'a aucune espèce de conviction solide dans la durée, quoi. C'est changeant, quoi. Ça suit la mode, c'est très féminin, quoi. Mais la grande obsession actuellement du Quai d'Orsay, c'est évident, c'est clair, c'est d'effacer l'échec colossal syrien. Ça, c'est le premier truc. Auquel s'associe un deuxième échec considérable, qui est l'échec libyen. Deux échecs diplomatiques considérables de ces 10 dernières années de la politique étrangère française. C'est considérable. Des conflits à chaque fois générés par les Juifs et les Américains. La France pensant à chaque fois pouvoir se glisser là-dedans pour avancer ses pions sous la tutelle américaine. À chaque fois, ça s'est transformé en désastre. Comme on dit, jamais 203. Donc, on a eu la Libye, on a eu la Syrie, il en manquait un, c'était le Liban. Bon, on y est. Alors, Macron veut avoir sa guerre civile, dans laquelle fourrer son nez, avec beaucoup d'Arabes, beaucoup de musulmans, beaucoup d'embrouilles à la con, dans laquelle il comprend rien, et... au terme de laquelle il va se faire taper sur les doigts par tout le monde. Mais il y a des petits malins derrière qui, eux, voient un petit peu plus loin. Et on va les citer. Alors, je cite les premiers. Alors, ça c'est tout un poème, parce que... rien que le nom. C'est l'AJC Paris. Donc, l'AJC Paris, donc c'est l'American Jewish Committee. Donc, le comité juif américain. C'est une organisation juive américaine. Bon. Ils ont une branche à Paris. Et qu'est-ce qu'ils nous disent aujourd'hui? Donc c'est une organisation américaine, hein, juive américaine. Le déplacement important de Macron au Liban a montré la solidarité de la France. Mais l'aide est impensable sans exigence politique forte. Désarmement du Hezbollah, comme l'a exigé Antonio Guterres, bon ça c'est le pantin de l'ONU, et reconnaissance par la diplomatie française, donc le Quai d'Orsay, de ce qu'il est, une organisation terroriste. Ah ! On en apprend un peu plus sur les conditions dont a vaguement parlé Macron. Et les donneurs d'ordre commencent à nous donner les explications. Donc ils nous disent, voilà, oui, on va aider le Liban. Quand ils disent « on », c'est avec l'argent des Français, donc ceux qui nous disent « c'est avec votre pognon », d'accord ? Et les Juifs disent « comment on va utiliser votre pognon ?» Ils disent à Macron « voilà, le pognon des Goy, tu l'utilises comme ça et pas comme ça. » C'est une organisation juive américaine à Paris qui explique ce que doit être la direction des flux de capitaux français. Pour la diplomatie française. Voilà, on en est là. Hein. Alors ça c'est une déclaration. Ils ne sont pas les seuls. Ils ne sont pas les seuls. Meyer Habib. Un nouveau pacte politique, donc ça c'est citant Macron lors de son déplacement au Liban. Emmanuel Macron, donc il dit voilà, un nouveau pacte politique, Emmanuel Macron. Le seul pacte politique possible, c'est de libérer le peuple libanais du joug du Hezbollah, militaire et politique, de la corruption, des islamistes qui ont détruit le Liban dans le silence complice de la France, du monde. Pour ça, il faut du courage. Ah. Le Hezbollah revient très fréquemment dans les discussions. Hein. Alors, il y a un autre homme aussi qui est très enthousiaste, c'est Glucksmann. Alors, Glucksmann, le reste du temps, il critique Macron dans tous les sens. Il dit, c'est un président atroce. Hein, donc, il est eurodéputé, hein, Glucksmann, il est juif surtout. Et il représente le Parti Socialiste au Parlement européen. Alors, il est jamais d'accord avec rien sur Macron. Il n'a jamais... Et tout d'un coup, miracle, il est d'accord avec Macron sur tout. On ne sait pas pourquoi. Hein, sauf quand on a les clés de lecture. Mais c'est ce qu'il nous dit, le juif Glucksmann. Emmanuel Macron a eu 1000 fois raison d'aller à Beyrouth. Je vois déjà des critiques fusées contre sa visite et ses propos. Aurait-on préféré qu'il n'y aille pas et que la France soit absente après une telle catastrophe frappant un peuple aussi proche du nôtre ? Alors de quel peuple parle-t-il ? Je ne sais pas. Hein, Deuxièmement, et une fois sur place, heureusement qu'il demande des réformes à un gouvernement dont l'incurie et la corruption sont légendaires. C'est ce que demandent les citoyens libanais. Donc Glucksmann... Il parle au nom des citoyens libanais, y compris de ceux qui votent pour le Hezbollah, j'en suis convaincu. Ce qu'il crie, donc les habitants, dans les décombres. Tout autre discours eût été indécent. S'opposer à sa politique en France, et parfois à l'international, est à mes yeux absolument nécessaire. Mais on peut s'y opposer sans ramener les ruines et les morts du Liban dans le jeu politique français. Oh là là, votre cœur saigne et vous sentez la sincérité du juif. Bernard-Henri Lévy n'a pas pu manquer non plus de s'exprimer. Sottise de ceux qui, après le voyage de Macron au Liban, hurlent à la violation de souveraineté. Comme si la souveraineté, c'était le droit de se laisser plumer par les mafias. Bernard-Henri Lévy parle de mafia, c'est intéressant. Et comme si voler au secours d'un peuple frère n'était pas, depuis 20 ans, un devoir et un droit. Depuis 20 ans, ça s'est décrété, hein, c'est un devoir et un droit. Il faut... Peuple frère. Mais duquel parle-t-il, je ne sais pas. Peut-être qu'une question de frontière... Je pense que BHL parle plutôt de ce qui se passe au sud de la frontière libanaise plus qu'au nord. Hein. La responsabilité de protéger apparaît en droit international quand l'ONU en 2005 reconnaît à la communauté internationale la compétence en cas de défaillance manifeste d'un État à protéger sa population. Là, c'est le juriste qui parle. C'est ce qu'a fait Macron au Liban. Le juif. Avec panache, mais en toute légalité. Quand la France est grande, point d'interrogation, Victor Hugo et la Pologne, l'intervention en Libye et au Mali, oui. La France libre œuvrant en 1943 à la souveraineté du Liban, et aujourd'hui le voyage de Macron. Mais le ronchon Mélenchon ne voit dans tout cela qu'ingérence, misère. Oui, il s'en prend à Mélenchon qui a mis en garde les Libanais contre l'ingérence néocoloniale de la France. Enfin, d'un peuple très vorace. Alors, donc, vous le voyez, entre Glucksmann, Bernard-Henri Lévy, Meyer Habib, je pourrais aussi citer la sénatrice juive Milstein Goulet, hein, de l'UDI, donc même parti que Meyer Habib, qui a expliqué que, là aussi, hein, les financements français ne pourraient pas venir sans condition. Il fallait que la gouvernance, donc la direction du Liban, soit assumée désormais pleinement par la France. C'est-à-dire que on oublie, c'est maintenant en ligne directe, c'est Paris qui va piloter le Liban. Ça plaît pas, c'est la même chose. C'est la juive Milstein qui l'exige, depuis le Sénat. Alors je pourrais continuer comme ça longtemps à citer tous les juifs qui nous ont expliqué ce qu'il fallait faire. Vous avez bien compris que quand Macron s'est rendu sur place en faisant pleurer dans les chaumières, Et ça n'avait rien à voir d'abord avec les quelques dizaines de morts ou 100 ou 200 morts de cet accident industriel ou même de cet attentat, je ne sais pas. Enfin bon, c'est dérisoire. Et ce n'est pas ça qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est la mise sous tutelle par les Juifs du Liban. En s'appuyant sur les Maronites. Alors ceux-là, ils n'ont jamais rien bité du film. Non mais il faut quand même le dire. Je veux dire, ils n'ont rien bité du film toutes ces années. Quoi. Ils sont encore prêts à signer. Et je te donne la parole, Derek, mais avant de rappeler ça quand même, ils ont même lancé ces Maronites, donc les chrétiens du Liban, une pétition pour rétablir le mandat, donc l'ordre colonial français, en sachant bien évidemment que les Français ne contrôlent rien là-dedans. Nos auditeurs l'ont bien compris. Donc, ils revendiquent la tutelle hébraïque sur leur pays en s'imaginant que tout va fonctionner. Parce qu'évidemment, l'Iran, la Turquie, la Syrie, la Russie, tout ce beau monde-là va dire, bien sûr, oui, bien sûr, évidemment, on vous donne le Liban, bien sûr, monsieur Macron, allez-y, oulala, nous on s'en va. Moi, je pose la question, et je te donne la parole, comment dirais-je, Derek. Ça va coûter combien de milliards d'euros aux Français et combien de morts français ça va coûter? Oui, effectivement, si cette entreprise-là aboutit, il y aura fatalement des pots cassés. Les pots cassés, ce seront soit des soldats français, soit des citoyens français qui seront victimes d'attentats pour telle ou telle raison politique. Hein, parce que, bon, les gens, quand on va foutre la merde chez eux, ils ne sont pas forcément très, très enthousiastes. Ce qui est en jeu là, dans cette histoire libanaise, alors bon, ça semble quand même être un accident, l'histoire, hein, mais dès qu'il y a une catastrophe, on voit quand même qu'il y a des gens qui se tiennent prêts pour... pareil, hein, c'est toujours la vérité, la vérité qui, selon à qui on s'adresse, hein, donc en l'occurrence les Juifs. Les Juifs veulent aider, etc. Enfin, la France doit aider, les Juifs le poussent. Mais surtout, il faut se débarrasser de ceux que les Juifs n'aiment pas, c'est-à-dire en l'occurrence le Hezbollah qui leur pose des problèmes depuis... très longtemps. Depuis oui, très longtemps, et puis que enfin, la dernière fois que les Juifs ont essayé, ça leur a fait bobo. Hein, donc là, ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas pris une correction, effectivement. Ah oui, j'ai pris une branlée. Là, donc bon, là, les Juifs se disent tiens, on va profiter qu'il y ait quelque chose de spectaculaire pour envoyer ces condes français. Venir envoyer le fric qu'ils n'ont pas, qu'ils vont nous emprunter, hein, soit dit en passant, pour faire en sorte de débarrasser ces gens-là que nous n'aimons pas, que nous apprécions pas, et pour établir un monopole, encore une fois. C'est-à-dire que la Juifie réclame un monopole sur le Liban. Comme ses voisins d'Israël, ils veulent à tout prix être partie prenante de ce qui s'y passe. Hein. C'est quelque part vital pour eux, mais c'est nous qui devons le faire, voilà, parce que c'est les goïms, c'est comme ça. Le bétail doit faire ce pourquoi il est destiné. Par Hachem. C'est vrai que les juifs, en fait, c'est une histoire israélienne, hein, c'est pas une histoire libanaise, hein, comme l'a rappelé Gandalf et Derek d'ailleurs. Les juifs en Israël, ils ont trois menaces majeures par rapport à leurs frontières. Bon, ils ont une menace qu'ils ont déjà plus ou moins réglée, c'est la menace palestinienne, sunnite. Où en fait les juifs ils chialent tout le temps parce qu'apparemment ils sont pas en sécurité, mais il se passe rien, il y a d'un mort, deux morts, enfin ils sont pas en danger, d'accord, tout ça est très très bien contrôlé, ils ont réglé le souci par la force militaire brute, d'accord, mais le juif pleure, hein. C'est quand le juif a du temps libre, ce qu'il fait généralement c'est qu'il pleure, ouais, et puis il vous fait aussi les poches parce qu'il est malheureux. Bon, bref, c'est une autre histoire. La deuxième menace c'est une menace mais à long terme et puis éloignée, c'est la menace iranienne, mais c'est pas vraiment une menace parce que on ne peut pas dire que l'Iran a les moyens militaires de faire des attaques en Israël. Il y a quand même l'Irak entre les deux. L'Irak, c'est assez long. L'Irak et la Jordanie, en plus, c'est quand même une longue distance. Et pour être tout à fait honnête aussi, je ne pense pas que même Israël, d'ailleurs, ait les moyens de faire une guerre aussi à l'Iran, pour la même raison. Normalement, envoyer des goy, c'est quand même plus efficace. Ah oui, ça c'est le... Oui, oui. Voilà, ils enverront des Américains. Voilà, ils enverront des Américains. Oh, mais pour changer un peu des Français... Non, mais justement, c'est intéressant, ça. Oh, Trump a fait un petit mandat, bien sûr. Trump a fait comprendre qu'il ne voulait pas envoyer de soldats. Je pense que les Juifs ont tiré les conclusions de ce truc. Et ils ont trouvé des gogos, des gogoy à Paris pour essayer de briller. Alors, et comme les Français, parce que c'est vrai que c'est un trait de caractère français, quoi, enfin des élites parisiennes surtout, comme les Français carburent à l'arrogance et à la prétention, on leur dit mais vous allez reluire, vous savez comme c'est la fable du corbeau et du renard. Alors le renard juif arrive, il flatte le con de goy parisien. Il dit vous allez rutiler au milieu de toutes ces nations arabes au Proche-Orient qui n'attendent qu'un retour de la voie. Mais ça prend. Ça prend. Ouais, ça marche. Les mecs se sont cassés les dents partout. Afghanistan, Irak, Syrie. Enfin, les Français ont été de toutes les aventures à coucher dehors des Américains et des Juifs. La Libye, bien sûr, le Mali, j'en parle même pas, mais non, on va ouvrir un nouveau front, voilà. Je vous précise quand même, c'est très officiel, ça a été annoncé par Macron, que un porte-avions, a-t-il dit... Ah non. C'est un porte-hélicoptère. Un porte-hélico, c'est le... Comment il s'appelle ? Le tonnerre. Tonnerre, donc c'est le navire de classe Mistral. Voilà. Mais bon, il a dit porte-avions, je pense qu'il a voulu marquer le coup. Ouais. L'idée était, bon, c'est curieux déjà, aide humanitaire, enfin, en soi, parfois vous envoyez des bâtiments militaires pour envoyer du fret parce qu'il faut transporter gros, mais dans ce contexte, vous comprenez bien que c'est pas juste une question de logistique, il y a un message aussi qui est envoyé, qui est très clair, c'est-à-dire que les Français, entre guillemets, hein, voilà, ceux qui donnent les ordres, disent, voilà, l'armée française, la marine française est prête à jouer du muscle au Liban. On est prêt à avoir un bâtiment de projection avec probablement des commandos, du soutien local, etc. Si jamais ça devait, il devait y avoir une remise en question. Bon. Pour moi, c'est du bluff, parce que, je veux dire, la France n'est pas du tout en situation de s'engager dans un conflit, même aussi minime qu'au Liban. L'armée est à poil. Hein. Ouais, à poil, et puis même, je veux dire, c'est au-delà de ça, c'est une question de psychologie. Je veux dire, la société française, l'État français, là, n'est pas du tout en situation. Regardez le Mali, c'est un truc, je veux dire, bon... Bah, Les types sont les flics dans le désert, ils sautent sur des mines, enfin, c'est terrible, hein. Il y a chaque semaine, on n'en parle pas, c'est pareil, la médecine, comme on l'a dit, fait des miracles pour réparer les gens, chaque semaine, il y a des types qui se font mutiler, hein. Chaque semaine, tu as des soldats qui perdent une jambe, qui marchent sur des mines, enfin, qui sont blessés très gravement, chaque semaine, voilà. Là-bas, au Mali, pour faire la circulation des nègres. Ouais. C'est scandaleux. Et pour maintenir un état factice, dont je parlais pour citer Lugan, Lugan en a parlé très bien. Qui nous crache à la gueule. Voilà, c'est le Mali. En plus, il faut qu'il organise. D'où provient le gang Traoré ? Le président du Mali. Les nègres du sud de Mali. Le président du Mali a reçu la grosse Traoré. C'est vous dire l'autorité du président français. Que ce soit Hollande ou que ce soit Macron. Je veux dire, un coup de téléphone au négro qui fait le café à la présidence, et tout est calmé. Hein, je veux dire, les mots d'ordre sont donnés, tout se calme. C'est un désastre. C'est même invraisemblable à ce stade, quoi. C'est devenu une blague. Vous croyez que ça échappe à des gens qui sont aussi durs que les Iraniens ? Et puis, les types qui sont dans le bain comme le Hezbollah. Non, mais c'est des révolutionnaires endurcis. Les types sont. Les mecs se confrontent à l'État d'Israël. Ils se confrontent à Israël. Ils vont aller voir les Français là. Ils vont dire oui, d'accord, c'est bien gentil, Coco. Fais un tour et casse-toi, sinon tu vas morfler. Voilà. Oui, mais vous allez voir les Arabes, on va les prendre en tenaille. On leur aura jamais fait le coup. Ouais, non, mais attends. Ah non, ceux qui sont. Il faut pas oublier en tenaille, c'est nous. Hein. Il faut pas oublier non plus un autre point. Parce qu'on parle beaucoup de l'Iran et du Hezbollah. Alors, parce que t'as les bas du l'Arabie front. L'Arabie Saoudite, t'as les bas du front de l'armée. T'as les bas du front de l'armée. Non, non, mais on va les prendre. Ouais, enfin, il y a un autre coco dans le secteur que tout le monde oublie, c'est Erdogan. Et Erdogan, ouais, il n'a pas du tout envie de voir les Français, comment, enfin les Français et les Juifs, fourrer leur nez au Liban. Hein. Ça, je peux vous dire que ça l'intéresse pas du tout, au point de faire tout, de déstabiliser l'intégralité du pays. Surtout qu'en ce moment, les Français et les Turcs sont en train de se chauffer autour de la Libye et autour de la Grèce en Méditerranée, d'accord ? Donc la tension monte avec Erdogan. Entre Macron et Erdogan, la tension monte. Et là-dessus, Macron arrive, il veut mettre le couvert avec l'Iran. Alors que Erdogan et alors que la Turquie islamiste et l'Iran ont des rapports plutôt corrects, je peux vous dire que l'Iran et la Turquie se mettront d'accord pour dégager la moindre aventure française au Liban. Ça, je peux vous le dire. Ils se mettront d'accord. Ils auront un accord principe. D'ailleurs, il y a peut-être quelque chose qu'il faut rappeler aussi, c'est que la France avait été engagée avec d'autres pays, dont les États-Unis. Je crois que c'était un mandat ONU, je ne suis plus certain, mais il me semble, dans les années 80. Et là, il y a eu une attaque contre les Américains d'une part et les Français d'autre part. C'était une opération, je crois, qui s'appelait Drakkar. Ouais. Et il y a eu 58 morts français avec un attentat au camion piégé, autant que je me souvienne. Et c'est quand même quelque chose qui devrait un petit peu tuyauter les responsables politiques français, Macron en tête, mais aussi les militaires français. Alors c'est tout l'inverse. Les militaires français attendent avec impatience depuis 30 ans une occasion de tuer des dirigeants du Hezbollah. Ah bien, alors ils sont cons comme des balais parce que... Exactement. Ah oui, mais c'est des militaires. C'est pour ça que je te dis que ils sont bas du front. Ils sont bas du front. Ça fait 30 ans qu'ils veulent se payer des mecs du Hezbollah. Simplement pour venger les 58 morts. Je comprends que... C'est pour ça... Je comprends qu'on l'ait en travers de la gorge, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est pas parce que tu l'as en travers de la gorge que tu réagis de manière épidermique à la première occasion, parce que ça peut avoir des conséquences très graves. Or, l'armée française, elle est bouillante à l'idée de pouvoir cogner le Hezbollah. Alors en tout cas, parce qu'eux, ils se disent, ce serait un one-shot, ce serait un seul coup. Ils diraient, voilà... On leur tire un bon coup, on leur liquide 200 mecs avec une opportunité unique, je ne sais pas. Hein, et on leur envoie le message en disant, voilà les gars, la vengeance est un plat qui se mange froid. Ben, et ça, c'est un mauvais calcul dans cette région-là. Et je voulais dire, je vous redonne la parole, mais parce que les gens, même les services de renseignement français pourraient se dire, bon, écoutez, si le Hezbollah devait répliquer, ça serait une attaque quasiment étatique parce que ça ne pourrait pas être organique en France. D'accord ? Il n'y a pas de chiites en France. Donc il faudrait envoyer une équipe, des trucs, ça. Il y a quand même moyen de les repérer assez vite. C'est là que Erdogan rentre en jeu. Parce qu'Erdogan, il est sunnite, et il dirige en France plus de 220 mosquées, dont les imams sont des agitateurs politiques salariés par le gouvernement turc. Il compte des centaines de milliers de sympathisants et encore plus, enfin pas plus, mais au sein de ses sympathisants, un certain nombre d'informateurs, de militants et bien sûr d'agents de renseignement. On peut tout à fait imaginer, si une synergie émerge au Liban entre l'Iran, le Hezbollah et Erdogan, qui veut se venger de la France en Libye, qu'Erdogan donne les consignes pour nous refaire des trucs type Bataclan. Vous voyez ? Oui, auquel il n'était pas forcément étranger non plus. Tout à fait, on le sait. Passé par là, donc c'est... Oui. Bien sûr. Et donc, on pourrait trouver comme ça, très opportun, quelques Algériens, quelques Marocains, quelques Tunisiens, parce que c'est toujours eux qui font le sale boulot des Turcs, en fait. et pour aller pour faire saigner quelques Français dans les rues. Donc, en fait, si vous voulez, là, se dessine un merdier sans nom. Je ne sais pas si Macron va aller jusqu'au bout. Je ne sais même pas ce qu'il va faire. Personne ne sait ce qu'il va faire. Mais les Juifs sont très, très chauds. Très, très, très, très chauds. D'accord ? Ils veulent vraiment faire par la France et derrière l'Union Européenne, bien sûr, les États-Unis, mais d'abord par la France, au niveau militaire, le boulot qu'Israël ne veut pas faire, parce qu'ils savent qu'Israël prendra des coups sur la gueule. Voilà. Donc c'est ça le deal, en fait. C'est ça le deal. Israël a une frontière en commun avec voilà. Liban, pas nous. Voilà. Et bon, tout ça est cousu de fil blanc, je veux dire. Et alors, on va pas s'éterniser sur l'affaire libanaise, mais en fait, la façon dont les médias le vendent, la solidarité libanaise, c'est de l'arnaque. Alors peut-être, je vais quand même rebondir sur la réaction de Marion Maréchal, ça vaut le coup quand même. Ah oui. On va pas l'oublier quand même. Marion Maréchal, alors, voilà, 6 août, réaction sur Twitter officiel. Hein. Au-delà de la peine que je ressens pour mes amis libanais, j'espère que la France sera aux côtés de ce pays avec lequel nous partageons tant. L'explosion d'hier ajoute à une crise, à une terrible crise politique et économique. Notre soutien doit être à la hauteur de cette situation tragique. Alors bon, les mots d'ordre sont là aussi, hein. Il ne s'agit pas simplement d'aide humanitaire. Vous savez, il y a une crise politique. Donc on doit remédier à la crise politique et voilà. Économique du Liban. Parce que on partage des trucs. Bon, oui. Ouais, on est un pays. Oui, on a beaucoup de musulmans sunnites dans chacun de nos pays, effectivement. D'ailleurs, soit dit en passant, la France a joué la carte sunnite depuis des années. Le type des Français était à la fois le type des Français et des Saoudiens, c'est Hariri. Hein, totalement. Le père et le fils. Donc bon, c'est vrai que c'est bon. Hariri qui loge, qui logeait le père Chirac, Chirac à Paris, et qui continue de loger la mère Chirac. D'accord, voilà. Donc des Français doivent mourir pour payer. Oui, les billets, donc les notes immobilières, donc des présidents. Non mais vraiment, voilà. Alors donc Marion Maréchal, alors il faut expliquer parce qu'il y a une histoire familiale derrière ça. Marion Maréchal, ex-Le Pen. Bon, elle s'appelle pas Maréchal, Marion Maréchal. Bon, je sais qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas, mais son vrai nom de famille, c'est Hawk. Son vrai nom, c'est Marion Hawk. C'est pas Marion Maréchal, ni Marion Maréchal Le Pen. C'est Marion Hawk. C'est bizarre, ce besoin de changer de nom, ça me rappelle un peuple. c'est comme Nathalie Goulet, hein, la sénatrice dont je vous parle. Hein. Son vrai nom, c'est Milstein. C'est son vrai nom. Bah, visiblement, elle n'est pas très à l'aise avec ce nom. Elle préfère se faire appeler Nathalie Goulet. Ça passe un peu mieux, hein, c'est sûr. D'ailleurs, elle se présente là en Normandie, apparemment. Ça fait pas très... Michelin, c'est pas très normand, quand même. Hein. Mais bon. Donc, pour revenir à Marion Hawk, son père était un grand reporter, entre guillemets, qui s'appelait Roger Hawk. Et qui avait été recruté par les services secrets israéliens, c'est-à-dire le Mossad, pour espionner au Liban. Donc, pas besoin d'être grand clair pour comprendre ce qui est en train de se passer. Donc, quand je dis qu'elle a partie liée avec l'établissement israélien, c'est tout à fait évident, et que sa monnaie sévère pour faire casquer par les comptes français un énième conflit pour des intérêts qui ne sont pas les nôtres. À aucun moment, quoi. C'est ce qui se passe. Et c'est pas que elle, hein, mais je veux dire, c'est aussi ça. C'est aussi ces gens-là. D'accord ? Alors, on va vous napper le truc avec de l'eau bénite. Hein. Jésus, la croix, les croisades, l'Occident, le danger islamique, etc. Bon, bien sûr, voilà. Bon, la fameuse invasion chiite de la France, c'est celle qu'on subit tous les jours, quoi. Voilà, on en est là, et en fait, je crois que Bon, il y a eu des critiques. Hein. Les mecs ont critiqué Macron parce qu'en France, vous savez, c'est une espèce de passion. On critique tout le temps le président en fonction, quoi. Bon, peu importe le prétexte. Mais il y a beaucoup de critiques dont je ne crois pas à la sincérité. Notamment la critique de la droite parlementaire. Je pense qu'il ratifie totalement l'interventionnisme français là-bas. Le Rassemblement national, j'attends de voir. Mais bon, avec des gens comme Gilbert Collard, bon, à voir. Il est parti, hein. Il était trop méchant. Là. Bon, on va voir. Moi, j'attends de voir. Le seul mec qui a fait preuve de lucidité, faudrait creuser de ce côté-là, je ne sais pas quelles sont ses motivations, mais c'est Mélenchon. C'est Mélenchon qui a dit, attention, là, le truc est piégé. Alors, malheureusement, il a dit, oui, c'est une ingérence française. Alors non, ce n'est pas français. Hein. C'est juif. Hein. Je veux dire, c'est pas français. C'est pas français. Hein. Ce n'est pas le fond de la Picardie ou bien le fond de l'Auvergne qui s'exprime en ce moment au niveau de la diplomatie française au Liban. Hein. En fait, c'est plus proche des frontières libanaises que la Normandie. Hein. C'est Tel Aviv, quoi. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire là-dessus. Quelqu'un veut-il rajouter quelque chose? Oui, moi, j'ai juste signalé que je ne veux pas payer. Voilà, j'ai pas envie, quoi. C'est tout. Mais les chrétiens d'Orient... Non, c'est pas... Bah, enfin, il faut les défendre, comme on les a leur retraite. Les boomers baissent leur retraite, à ce moment-là, ouais, pourquoi pas. Mais alors, il faudrait qu'ils virent des nègres aussi. Après, ils pourront avoir le droit de filer du fric à des gens qui veulent. Mais d'abord, ils remettent un petit peu d'ordre à la maison. Sinon, non, quoi. Non. En tout cas, Macron. Entre George Floyd et tout ce qu'il a, je remarque que Macron s'intéresse finalement assez peu aux chômeurs français, hein, dont le nombre n'a ne cesse de grossir. Ça me surprend assez. Je parle pas des entreprises qui sont en faillite, hein, ça. Ah, mais il en a rien à foutre. Là, visiblement, non, il s'en fout. Alors, on oblige les gens à porter des masques dans les rues, excusez-moi, donc, les restaurateurs, les trucs comme ça, enfin, les gens qui reçoivent du public, ils sont très contents, hein, de voir tout ça, hein. C'est vide, les bars, enfin, rentrer dans un bar où il fait pas excessivement frais, avec un masque, tu t'assois, genre, il y a des paniquards, en plus, des becs comme. Oui, non, peur, sûr, il faut mettre le masque, etc. Je t'avoue que j'ai vécu la semaine dernière là quelque chose d'assez assez bizarre. Quoi, oui, tu t'es dit, ça sent il y a un côté concentrationnaire dans tout ça. Oui. Voilà, c'est peut-être ça qui m'a déclenché là cette semaine. Ouais, oui. Bon, mais les bars sont assez vides, les commerces aussi, l'économie. Bon, ça, lol, hein, on va dire ça comme ça. Donc, non, il n'y a pas de sous. Quoi. Donc, oui, il y a des sous pour l'étranger. Nous, on s'arrête. C'est pas grave. De toute manière, bon, il y a des nègres qui arrivent. Ils vont payer une retraite. Ils vont tout faire. Ils vont construire tout. Tout va bien. Quoi, hein. Et on a des sous en plus pour le Liban. Ok. C'est vrai, ouais. Tout va bien. Fulbert ? Oui, non, je n'ai rien. Non ? Je crois que tout a été dit. Hein. Oui. Pierrot ? La situation des chrétiens d'Orient n'est pas rose, mais alors au Liban, c'est partie d'une des plus sûres. Alors effectivement, c'est pas l'idéal, mais ils ne sont pas en danger comme ils seraient en danger sous Daesh, quoi. Alors moi, je vais te répondre là-dessus, c'est-à-dire que ça va être exactement comme la Syrie si ça va à son terme, c'est-à-dire si les Juifs parviennent à obtenir ce qu'ils veulent obtenir, c'est-à-dire qu'en fait, la présence chrétienne au Liban, ça sera la fin, en fait, pratiquement. Ouais, c'est comme l'Irak, pareil. Voilà, les Juifs sont arrivés avec leur guerre, avec leur croisade, entre guillemets, de George Bush, hein, ouais. Ce qu'on appelle Pourim. Oui, les chrétiens ont été éradiqués. Hein. Donc, non, ça va être un truc qu'on va vous vendre ça comme ça. On va vous dire qu'il va falloir aider les chrétiens. Ça. En fait, en réalité, Macron, qui prend son pognon comme tous ses prédécesseurs avec les sunnites, n'en a rien à foutre des chrétiens. Ça ne paye pas, ça ne rapporte pas de pognon. C'est pas eux les grands ordonnateurs du jeu. Ce sont les juifs, bien sûr. Israël, les Juifs de New York, etc., et l'Arabie Saoudite, avec les sunnites sur place. C'est eux qui sont les donneurs d'ordre, c'est eux qui sont les payeurs. Les chrétiens maronites, je vous dis, ce sont les... Vous allez voir, ça va être... ça va être caricatural, et ça va se terminer comme en Syrie. Voilà. Ils vont se faire hacher en 8, ils vont être obligés de foutre le camp dans toutes les directions, en général vers la nôtre. Et voilà, donc c'est ce qui va se passer. Et après deux générations en Occident, ce seront devenus de parfaits militants gauchistes qui appelleront à la solidarité avec leurs frères de race arabes et leurs frères sémites, musulmans, etc., pour qu'ils leur referont évidemment la même chose, hein, parce que ces gens-là ne retiennent jamais rien. Donc c'est un très mauvais calcul, et je dis tout simplement que ça ne m'intéresse pas. Voilà, j'ai rien à foutre de ce qui se passe au Liban. Voilà. Ni dans ce pays-là, voilà, démerdez-vous, non mais démerdez-vous, voilà, c'est votre pays, démerdez-vous, voilà, ça ne nous concerne pas. De toute façon, en cas de conflit, chrétien d'Orient ou pas chrétien d'Orient, il y aura des masses de réfugiés, et effectivement, ils vont se diriger vers l'Europe, c'est évident. Mais bien sûr. Parce que comment est-ce que leur situation pourrait être meilleure après une guerre juive, ça n'a aucun sens. Effectivement, c'est pas. Je comprends bien, ça ne va pas être fou comme situation en ce moment. Mais ils ne sont pas en danger de mort comme ils étaient sous Daesh. Hein. Ils n'ont pas de pouvoir politique, ils n'ont pas de perspective sociale. Mais ils ne risquent pas leur vie, en tout cas dans leur globalité. Quoi. Voilà. Sauf si les Juifs s'en mêlent, bien sûr, évidemment. Alors, messieurs, je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut.